Salut tout le monde, c'est Saï, bienvenue à la 40e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, on va revenir sur la fameuse démo de la PS5. Mais avant cela, on va parler des jeux que nous avons testés dernièrement. Et pour cela, j'accueille Majo. Salut Majo. Bonsoir Sei. Ah non merde, c'est bonjour aujourd'hui. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que c'est pas bonsoir. Là, on enregistre début d'après-midi. Donc bonjour Sei. C'est vrai que ça change. On a un peu plus la patate, on sent quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. On est moins fatigué. Ouais, on sort de la piscine en plus, on est bien. Hein. Pas ah, forcément, bon. Pas forcément, parce que là c'est midi, moi j'avais des invités, on a bu du rosé. Donc. Ah bravo, ah mais donc t'es en forme, toi t'as vraiment bu quelques verres. Ah bah verres oui, avant, oui, oui, moi je peux te dire bonsoir là. Et bonsoir. Et bah bonsoir Lolo, ça va bien? Salut les flébustiers. Les flébustiers. Ouais, je savais pas comment vous appeler aujourd'hui, donc j'ai dit tiens, on va mettre ça. D'accord. Eh ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Gorn que tu as pu tester, mon petit Majo. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Tout à fait. C'est un gros défouloir. Alors Gorn, c'est quoi? C'est un jeu qui a été annoncé il y a quelques temps déjà. C'est édité par Devolver et c'est FreeLive qui fait le développement. Mais c'est 24-bit Games qui a développé la version PSVR, donc en fait c'est un portage du coup de la version PC sur PSVR. Mmh. Et donc c'est un défouloir en mode gladiateur dans des arènes. Et bah, c'est plutôt sympa, contrairement à ce que ça laisse paraître, c'est assez, c'est même très sanglant. Ouais. Ils ont mis un mode beaucoup plus soft où en fait plutôt que du sang, bah, c'est des confettis qui sortent, en fait c'est les bonhommes ils sont sous forme de piñata. Oh, c'est mignon. Voilà, donc ça enlève un peu l'aspect gore. Et du coup, quand tu les éclates, ça fait un peu comme des nounours, c'est fourré au coton. Là, donc c'est un peu plus soft. Voilà. Et du coup, ce jeu, c'est un gros défouloir. Quoi. Clairement, c'est des arènes avec des gladiateurs donc, qui te viennent dessus par vague. Donc 1, 2, 3, ça peut monter jusqu'à 4, je crois. Et puis après, tu as plusieurs boss. Donc c'est sous forme de strat, une première arène avec, je crois que c'est 2 boss. La deuxième, tu en as 3. Et ouais. Après, tu as encore un autre étage où je suis pas encore. Et puis, c'est plutôt pas mal. Ça reste un peu... Ça se veut un peu technique, mine de rien, où t'as certains ennemis qui ont des points faibles, enfin tu peux démembrer les ennemis du coup, donc ils ont des armures sur eux, donc forcément, faut d'abord que tu pètes l'armure après pour pouvoir le démembrer, t'en as d'autres qui en ont pas, t'en as qui ont que des casques, etc. Et pour ça t'as différentes armes, donc du corps à corps essentiellement, mais t'en as qui vont avoir plus ou moins de portée, donc tu vas avoir, ta première arme c'est la batte cloutée traditionnelle, que tout le monde connaît. C'est vrai que ça fait son petit effet quand même quand tu attrapes les mecs et puis tu leur mets 2-3 coups de batte bien placés, ouais. Et que tu vois que ça explose. Alors je joue pas en mode piñata, moi je joue en mode bien sanglant. Ouais, t'es un vrai quoi. Voilà, c'est ça. J'aime quand ça saigne. Et du coup, t'as plusieurs armes après, donc dont des armes à deux mains. Et en fait, t'as une espèce d'inertie aussi qui est faite. Alors c'est assez marrant parce qu'ils l'ont matérialisé, en fait, comme si ton arme, elle était en mousse caoutchouteuse un peu, tu sais. C'est un peu mou. Ouais. C'est vrai. Et donc tu peux l'étirer, c'est-à-dire que si tu la prends avec tes deux mains, tu peux l'étirer comme un élastique et tout. Et les ennemis sont un peu pareils. Donc la physique, elle est un peu basée là-dessus. Et du coup, t'as une espèce d'inertie qui est faite avec cette texture, en fait, et qui va, avec les mouvements, te dire dans quelle direction... va apporter le poids de ton arme quand tu vas frapper. Alors t'as aussi des armes à deux mains, où là c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué quand même, je trouve, avec le tracking du PSVR, où t'as tendance, si tu veux, il y a pas mal d'armes où il faut que tu prennes beaucoup d'élan, et en fait tu vas avoir tendance à prendre trop d'élan, ce qui fait que ça va désynchroniser ton move, et en fait ton arme elle va retomber de tout son poids, quoi, comme si tu la tenais qu'à une seule main, en fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça reste quand même des armes qui ont une forte puissance d'attaque. Notamment, t'as sur les parois, sur les côtés, t'as des pièges en fait, où tu peux balancer les ennemis. Et en fait, avec ce genre d'armes, justement, faut que tu prennent quand même pas mal d'élan pour jouer avec le poids de, ouais. De ton marteau, d'une hache, si tu veux, mais qui sont plus grands que toi, quoi. Et donc en gros sur PSVR c'est un truc qui fonctionne par exemple sur un jeu comme Walking Dead mais qui fonctionne pas forcément sur Gorn. Alors c'est pas que ça fonctionne pas mais c'est que ça fonctionne moins bien du fait que ça soit du combat en arène et des fois t'as la pression quoi. Enfin, en fait t'as aussi le système de vie qui te met ça, c'est à dire que dès que tu te fais toucher tu vas avoir en gros une dizaine de secondes pour survivre et la seule manière de survivre en fait c'est d'éliminer un ennemi. Si tu tues personne, bah tu meurs. Et du coup des fois t'es de dos, t'essayes de fuir parce que t'as 2-3 mecs qui sont sur toi qui vont t'attaquer en même temps. Et en fait si tu tues pas quelqu'un, ta vie remonte pas quoi. Donc tu perds et puis faut recommencer. Donc t'as un peu tout ça à gérer et puis t'as 10 secondes des fois pour prendre ta décision. Et t'as des ennemis qui sont plus robustes que d'autres. Donc faut dans ces cas là faut essayer d'aller vers le plus faible, tu vois. Donc c'est ça aussi à gérer. Et dernière chose qui je pense est assez importante, c'est le système de déplacement qui est pas commun. Je sais pas si vous vous souvenez de Sprint Vector. Oui. Oui. Bien. Il fallait courir avec tes. Fallait balancer tes moves pour c'est pour ça. Avancer. Donc du coup, c'est le même principe. Sauf qu'à ça, ils ont rajouté un espèce de agrippé glissé, comme tu as sur les jeux de stratégie. Donc c'est à dire qu'en fait, il va falloir que tu maintiennes ton bouton move et que tu balances ton bras pardon d'avant vers l'arrière et ce qui va te faire avancer en fait, et pour que ça soit plus rapide et plus facile tu alternes bras gauche bras droit bras gauche bras droit. Il y a que ce système de déplacement sur sur PS4. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que moi j'ai eu l'occasion justement de le tester sur PC, donc avec les sticks sur les moves. Tu as téléportation, donc tu as ce système là où tu peux agripper comme dans Final Assault ou alors bouger les bras comme dans Sprint Vector, et tu as aussi le déplacement libre. Non. Et ça marche super bien. Et c'est vrai que bah du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en ai parlé de Gorn dans le podcast, j'avais un a priori assez négatif dessus, mais en fait c'est un sacré défouloir. Ouais, totalement. C'est un truc. Grâce justement à l'espèce d'inertie que t'as dans les armes et le côté mou en fait, et même le, tu sais, avec les boules, la boule au bout de la chaîne, l'espèce d'arme que t'as. Tu fous une patate dessus, c'est un coup à péter tes moves quoi. Mais c'est ça justement que je disais qui est dommage. C'est, alors autant la boule avec la chaîne ça va encore parce que tu peux la garder, tu peux la faire tourner juste avec une main si tu veux. Genre quand ça va être le marteau géant ou la hache pardon, là c'est plus compliqué parce que tu vas avoir tendance à la basculer derrière toi en fait, et à ce moment là le move tu le captes plus, donc en fait quand tu vas revenir si tu veux tu vas perdre l'élan que t'avais. Et du coup tu t'attends à faire des coups monstrueux et en fait ça fait ploc quoi. Ça marche pas bien. Donc du coup c'est pour l'instant c'est pas mal, je me prends bien au jeu, je me suis même éclaté le doigt tout à l'heure contre ma fenêtre, donc c'est très bien. Ça prouve que j'étais bien ça prouve t'as que eu bien émergé. Chaud apparemment. Ah ouais par contre j'ai transpiré comme un cochon. Ah ouais, bon jeu pour l'été. Chaque niveau chaque niveau ça dure à peu près un quart d'heure. Donc du début jusqu'au boss s'il y en a un, et c'est vrai que pendant un quart d'heure arrivé vers la fin tu commences à avoir chaud quoi. Alors le casque plus le fait de c'est un bouger jeu qui est super tout, tonique totalement. C'est un jeu qui est super tonique. Il y a eu des jeux dans ce genre là genre bar fight ou les trucs comme ça. Surtout le en fait que... c'est surtout le système de déplacement qui fait que tu ne t'arrêtes jamais de bouger en plus. Et t'as un moyen quand même de faire des rotations sur PSVR. Oui, c'est alors j'ai été dans les options. Je crois que t'as que de l'angulaire ou alors tu as une rotation à 45 degrés d'un coup. J'ai pas vu de rotation fluide. T'as plusieurs modes de difficulté aussi. Ça va de facile à extrême, je crois. Moi, je joue en normal pour info, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien. Et puis, je crois que t'as quelques options de confort aussi. Je m'en rappelle pas tout à fait. Je suis passé brièvement. T'as l'option sans le sang. Et puis voilà. Mais je serai plus clair dans le test. Je m'en rappelle plus. Ok, ça roule. Donc du coup, Gorn contre toute attente, c'est une bonne pioche finalement. C'est un truc vachement défouloir et plutôt pas mal. Ouais, c'est sympa. J'ai pas donné le prix au fait. C'est 19,99. 20 balles. Quoi. Sur le 20 balles pour se défouler, depuis le 19 pour casser des bouches, et ça c'est bien. Par contre, oui, on aura le test un petit peu en retard parce qu'on n'a pas eu la clé de la part des développeurs, donc on était à le signaler. Le test arrive, mais du coup, on est un petit peu en retard. Ça a été un peu plus long que prévu, mais on l'a eu. Voilà. Ensuite, bon, on va rester dans le mode bourrin avec les Vikings, Laurent. Viking Days, donc oui. Alors c'est un titre qui est sorti il y a un petit moment, je ne sais plus quand il est sorti, le mois dernier peut-être. Donc c'est vraiment une, on va dire, une petite expérience. Hein. C'est vraiment un petit jeu à petit prix parce qu'il est, il est proposé à 6,19€ sur le store. Et en gros, c'est une compile de mini-jeux. Donc il y a 9 mini-jeux qui sont intégrés, mais c'est vraiment des mini-jeux, mais vraiment mini. Et du coup, en fait, tu vas revivre en VR les journées des Vikings. C'est un petit peu comme Saints and Sinners, où c'est que tu, chaque jour qui passe, normalement la difficulté va monter. Et donc tu vas avoir un random aléatoire sur ces 9 expériences qui vont arriver tous les jours et qui sont censées être de plus en plus difficiles. Et dans l'eau, bah, il va y avoir par exemple le lancer de haches sur des cibles, il va y avoir balancer des torches pour brûler un navire, il va y avoir boire des bières, il va y avoir forger des épées, tout un tas de petites expériences comme ça. Donc on va dire que au final, les 20 premières minutes, tu vas dire c'est fun parce que c'est relativement varié, tu vas découvrir les 9 expériences. Et tu vas dire, ouais, bah, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, il est plutôt joli visuellement. Enfin, joli, pas dans le sens des graphismes de dingue. Hein. Techniquement, il est joli. Mais au niveau VR, ça passe bien. Il n'y a pas d'aliasing, c'est net, c'est propre. Donc visuellement, c'est vraiment pas ça qui choque. Et puis surtout, les 20 à 30 premières minutes, c'est plutôt varié parce que tu vas enchaîner justement toutes ces mini-jeux. Sauf que tu vas passer au jour 2, jour 3, jour 4, et puis derrière, et ben c'est tout le temps les mêmes expériences qui reviennent, qui sont censées être plus difficiles, mais boire des bières, ben ça reste boire des bières, donc tu prends ton move et tu as juste à faire comme si tu buvais et puis tu as bu ta bière, sauf que c'est peut-être un peu plus rapide que d'habitude, ou casser les épées, et ben dès que l'épée arrive, il faut taper dessus avec un marteau, donc on se retrouve vite dans le jeu à la con de fête foraine, où c'est qu'il faut taper sur les têtes avec un marteau. Et en moins d'une heure, t'en peux plus. Moi perso, au bout de 20 minutes, j'en avais ras le bol et j'avais déjà fait toutes les expériences au moins 3 fois. C'est 6,19€, on peut se dire c'est pas trop cher, pourquoi pas. À savoir quand même que sur Steam, il est à 3,99€. Même à 3,99€, c'est vraiment, on va dire, un passe-temps si vous avez 30 minutes à tuer. C'est pour découvrir. 30 minutes à tuer, voilà. Ça va. Ouais. Non. Ouais, c'est pas terrible. Comme dit Madjo, en fait, c'est bien c'est pour marrant. La VR. Quoi. C'est marrant, mais c'est pas le jeu qui va te faire performer. Quoi. Bah, ouais, de toute façon, ça va être un peu du même acabit que Gorn. Hein. Gorn, tu vas aller le finir, mais bon, niveau rejouabilité, je pense que. Ouais, voilà. Est-ce que c'est parce qu'on sort de Walking Dead juste derrière, qu'on se prend ça, on se dit, tiens, on va faire celui-là après. La différence est flagrante. Ah, bah oui. Ouais, c'est peut-être que c'est naze, hein, tout simplement. Mais... Franchement... Ouais, ça n'a pas l'air naze, mais pour le prix, c'est toujours pareil. C'est 6€, quoi, les gars. Enfin, pas s'attendre à un triple A à ce prix-là non plus. Même à 6€, tu vois, Allumette, quand il est sorti, il était à 5€. Je le trouve plus intéressant. Non, il était gratuit. Non, au tout début, il était à 5€. Moi j'ai eu gratuit. Ah oui, hein. Le premier mois, oui, mais au bout de 3-4 mois, mais le premier mois il était à 5€. Ah non. Ah si. Non, non. Si. Ah non, le PSVR, je l'ai eu une semaine après sa sortie et Allumette, c'est un des premiers trucs que j'ai pris. Ah non. Au lancement, Allumette était payant. Ah bah tu t'es fait pigeonner. Tu t'es fait pigeonner. Voilà. Et je le trouve 100 fois mieux, Allumette, plus intéressant que ça, quoi. Ouais, mais c'est pas un jeu, c'est une démonstration technique plus. Parce que t'interagis pas, si tu tournes autour d'un environnement qui vit tout seul, en fait. C'est pas la même chose. Ouais, et puis c'est plus poétique, c'est beaucoup plus poétique à lui mettre. Là, c'est un petit délire avec des mini-jeux un peu à la WarioWare. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire en VR, quoi. C'est complètement naze, quoi. Sauf que WarioWare, t'as 150 jeux mini-jeux et que là, t'en as 9, quoi. Bah oui, mais bon, WarioWare, tu le payes le prix fort et celui-là, tu le payes 6€. Après, tout est relatif, les gars. C'est un truc de départ. C'est pas une histoire que d'avoir 9 petites expériences, parce que c'est pas un truc que je montrerai à mes invités déjà. Parce que tout simplement, tu as 9 expériences. Alors, déjà, le lancer de hache avec tes moves, c'est imprécis à souhait. Tu balances tes haches, je te défie de mettre 2 fois la hache au même endroit, c'est pas possible. Tu balances ta hache, elle va partir à l'horizontale, tu sais pas pourquoi. Après, le lancer pour allumer les bateaux, tu vas envoyer tes torches, c'est pareil, tu balances tes torches au pif en disant j'espère que celle-là elle va atteindre le bateau, parce que je cherche pas à viser, ça sert à rien. Le dragon il arrive en fait. Tout le but du dragon, alors déjà le dragon, il a ses ailes qui traversent la montagne, ça dérange personne apparemment. Et puis après, il arrive sur toi, tu te caches derrière un rocher, il te crache son feu au-dessus de la tête et il se prend un caillou sur la tête. Et là, tu le fais 5 fois de suite, à chaque fois c'est la même chose. Et par contre, c'est une expérience qui dure 20 secondes. Alors après, donc... il y a un truc aussi, on le dit à chaque podcast et à chaque test pour beaucoup de jeux, je crois qu'il est sorti au mois de juillet 2018. Il y a un ou deux mois, ouais. Non, la version française de moi. Mais je crois que la version d'origine, elle est sortie au mois de juillet 2018. Ah, mais tu veux dire sur Steam ? Oui. Ah, ça, le gameplay, il a 2 ans. Enfin, c'est un jeu de 2 ans après le PSVR. Non, en 2016, il y avait des trucs mieux que ça, faut arrêter. Ah non. Mais d'accord, mais oui, ok, mais pour des plus gros studios, là. Ça reste. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ça reste un vieux jeu, encore une fois, qui. C'est un jeu qui a 2 ans, quoi. Enfin, je veux dire. On sent ta passion pour les Vikings hein, quand même, Majo. Hein. Non. Comme ça, les Vikings, hein, parce que t'as envie de le défendre bec et ongle. Non, je le défends pas. Je relativise juste par rapport à ce que c'est. Si tu veux, voilà. Il y a quand même. Allez, je vais revenir sur Pot River. Celui-là, je l'aime bien. Je pense que je vais le faire. Je vais me faire une Cyril comme lui, il plaçait des Ace Combat à chaque podcast. Moi, ça va être Pot River. C'est ça. Je trouve qu'il y a plus d'intérêt dans Viking Days que dans Pot River. Alors, j'ai pas sûr, le jeu encore. Mais... Il est sorti le 1er juillet 2018. Eh, quand t'as un rendez-vous où t'as pas envie d'aller, tu dis j'ai poterie, quoi, pour faire comprendre que t'as pas envie d'y aller parce que c'est nul, tu vois. Enfin bon, tu dis pas j'ai Viking Days. Donc, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Ouais, t'as vu. Bon, bah du coup on a fait le tour sur ce magnifique jeu qui est Viking voilà, Day. Moi je lui ai mis 2,5/10. J'aurais pu être plus méchant parce que j'ai cherché les points, mais bon, voilà. Ouais, t'es dur. Je pense que t'es dur. Mais faites-le, franchement, faites-le. Non, j'ai Gorn. T'as Gorn. Bah au moins Gorn, il a pour lui d'être un bon gros défouloir, donc voilà, Viking Days. Ça a pas l'air top. Moi, je vais parler de 2 trucs. Déjà, je voulais signaler la sortie du workshop de Half-Life Alyx. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas sur PS4, on s'en fout. Oui, mais c'est pas sur PS4, on s'en fout, espèce de sale riche. Et voilà, tout ça. Mais c'est quand même une super bonne nouvelle parce que le workshop, pour vous expliquer, en fait, c'est la possibilité d'utiliser le moteur du jeu, donc Source 2, sur Half-Life Alyx, donc le moteur qui est utilisé par Half-Life Alyx. Pour que des joueurs puissent développer leur propre niveau, leur propre expérience, leur propre gameplay. Pour rappel, c'est un petit peu le système, les SDK qui avaient fait les développements de Counter-Strike, Portal, tout ça, en fait, ça vient justement de la communauté qui avait proposé des nouveaux gameplays, des nouveaux jeux gratuitement au départ, sur Half-Life 2 et Half-Life le premier. Et donc justement ils mettent ça en place pour Half-Life Alyx et justement ça fait 10 jours à peu près, 10-12 jours que c'est sorti. T'as déjà près de 200 maps et expériences qui ont été sorties, dont certaines qui sont vraiment très très bonnes, et c'est une super bonne nouvelle parce que du coup ça augmente vraiment la durée de vie du jeu. Tu rejoues en fait pour essayer des petites maps à droite à gauche, pour essayer des choses, et donc c'est vraiment cool, et c'est bien d'être souligné parce que c'est très très bon pour la VR. Ça peut justement permettre aux gens qui ont beaucoup d'imagination de pouvoir développer leur truc gratuitement sur ce moteur là et donc c'est génial, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire un petit mot là dessus c'est génial, et j'espère que ça servira sur l'éventuel futur portage PS5. Ah bah oui, carrément. Alors après, les workshops, c'est uniquement sur Steam. Et c'est pas sur ouais, sur mais PC. Bon, Steam c'est Valve. Enfin, c'est sur les consoles. Steam c'est Valve, et Valve, s'ils ressortent le jeu, peut-être qu'ils nous feront un petit cadeau avec ça, quoi. Bon, on espère. En tout cas. Comme on le reçoit en retard, enfin, si on le reçoit, pardon, parce qu'encore une fois, sais rien, mais... Je croise les doigts pour ça, pour l'avoir, Alix, sur, sur PS5. Ah, j'avoue que ça serait un bon démarrage. Ouais, oh là là, ça ferait des petits frissons partout si ça sortait, ça. Mm-hmm. Bon, en tout cas, on espère. C'est une bonne nouvelle, donc je préférais le souligner. Voilà, ensuite, on va revenir sur Pixel Rift 1995 du studio Arvor, le studio brésilien qui nous avait déjà proposé Pixel Rift 1989. Vous l'avez essayé, celui-là ? Non. Non. J'ai honte. Je crois que c'est Camille qui avait fait le test de... Si je me rappelle. Non, c'était moi. C'était toi qui... T'avais fait le premier aussi ? Je suis désolé. C'est cool de bosser pour toi, hein, putain. On sent qu'on est reconnus. Hein. C'est pas mal. Donc oui, donc c'est le même genre de jeu, en fait. C'est tu joues à un jeu vidéo dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un petit écran cathodique devant toi pour jouer à des jeux 16 bits et 32 bits. Et voilà, en fait, c'est un gros bol de nostalgie, ce jeu, et j'aime beaucoup. Il se joue au Move, mais pour les jeux de plateforme, bah, forcément, c'est pas très très adapté, ou à la manette. Et donc du coup, en fait, ouais, tu replonges vraiment dans les années 90 pour la découverte de plein de grosses licences comme Zelda, comme Sonic, comme voilà. C'est en fait, il y a plein de références comme ça. Il n'y a pas les licences dedans. C'est que du clin d'œil et c'est que de la ref. Et ça a fonctionné à 100%. Et c'est super bien fait parce que ça, au premier coup d'œil, ça se reconnaît direct. Quoi. Ah oui, oui, les sons. C'est méga intelligent. Les graphismes. Ah, c'est ultra fin. Mmh. Et tu sens vraiment que les développeurs qui sont derrière, c'est vraiment des gros passionnés parce qu'ils ont réussi à capter justement toute l'essence de ces anciens jeux pour les remettre dans un truc nouveau comme ça. Et bon, le gros problème de ce jeu-là, en fait, c'est le principal problème, c'est qu'il est intégralement en anglais. Et qui a énormément de références. Il y a beaucoup de gens en fait qui te parlent autour de toi. Et il y a beaucoup de choses à lire sur les écrans, sur les jeux en eux-mêmes. Et faut vraiment être concentré pour pouvoir capter toutes les petites rêves qu'il y a dedans. C'est pour le public français qui est pas vraiment habitué à parler anglais. C'est un petit peu embêtant justement et ça fait perdre un petit peu des ventes, je pense, ce genre de détails. Ouais, puis quand on sait que déjà c'est difficile quand tu joues d'écouter ce qui se passe autour. Si voilà. En plus il faut capter en anglais les sons de l'environnement. Et bah tu vois, t'es complètement dedans. C'est typiquement le style de jeu qui va rappeler des tas de souvenirs aux darons et daronnes qui ont dans le premier épisode, il fallait pas se faire attraper en jouant à une espèce de Game Boy en pleine classe. C'est ça. Ouais. Là, dans le nouveau, c'est il faut pas se faire attraper par maman alors qu'on est en train de jouer à la console cachée sous ses couvertures dans le lit. C'est super marrant de jouer à des jeux 2D sur des consoles 2D en réalité virtuelle dans une chambre réalité virtuelle. Pas que ça aussi. T'as la salle d'arcade et tout oui, ça. Oui, t'as plein de choses. T'as plein de choses. Plein d'environnements différents. Et c'est super intelligent, surtout en réalité virtuelle. Quoi. T'as 5 chapitres différents et selon les 5 chapitres, en fait, t'es dans 5 lieux différents avec des idées de gameplay différents. Donc par exemple oui la salle d'arcade et en fait tu dois interagir aussi avec le monde extérieur. Par exemple t'as un petit pistolet où tu peux comme dans le premier en fait avec ton c'était des boulettes en papier je crois. C'était une petite sarbacane et tu pouvais en fait interagir sur des éléments extérieurs pour faire diversion pour qu'on te laisse jouer peinard. Ben là c'est un petit peu la même chose. Des fois t'as par exemple le deuxième niveau t'es sur deux écrans deux consoles différentes et tu dois switcher d'une console à l'autre pour interagir des éléments de gameplay. Pour pouvoir te débloquer, en fait, tu dois switcher d'une console à l'autre. Donc il y a plein de petites idées comme ça, et il y en a énormément, quoi. Et quand t'écoutes en plus les commentaires qu'il y a à l'extérieur, c'est... Voilà, ça, moi, franchement, je suis retourné 30 ans en arrière. Hein. Facile. Ouais, justement, tu découvrais... C'est toujours la période du rétro gaming, avec tous les remakes et les remasters qu'il y a, donc c'est de bonne aloi, et puis ça sort au bon moment, je te dirais. C'est ça. Bah, le seul truc que je reproche un petit peu au jeu, c'est que les gens en 2D, ils sont assez simples. C'est plus du gimmick en fait de gameplay que des jeux à proprement parler. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus complexe, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça aurait pas été trop dur après avec l'environnement autour de toi à gérer ? Peut-être, je sais pas. Il y a aussi le fait qu'il faut pas que tu oublies que tu dois être capable de décrocher de l'écran, d'arrêter ta partie pour, je sais pas, esquiver ta mère ou faire ce qui se passe dans le monde réel et que ta partie reste en suspens, quoi. Ouais, mais non, mais t'as compris. Esquive ta mère. Alors, que ce soit simple, c'est une chose, mais là, c'est vraiment simpliste. Hein, c'est vraiment très simpliste. Donc, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait quelque chose derrière un peu plus, challengeant, on va dire. Je sais pas si c'est français d'ailleurs. Bon, on s'en fout. Ça fonctionne, on a compris. On a compris. Mais tu vois, il y a des réflexions, genre, mais vraiment que j'ai vécu moi-même, hein, quand tu découvres justement les 32 bits dans la deuxième partie du jeu, où les parents sont derrière, ils disent, oh, ça a l'air tellement réel, alors que c'est super moche à l'écran. Hein. Ouais, c'est une espèce de polygone ultra moche. Mais ça, je l'ai vécu, tu vois. Donc, j'ai entendu ça, je fais, putain, franchement, ils ont mis le doigt sur quelque chose, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est un très bon jeu. Ça parlera pas à tout le monde, ça parlera pas forcément aux plus jeunes. Voilà, faut être curieux. Ça me rappelle les. Faut avoir connu les 16 bits et les 32. Ça me rappelle les premiers zooms dans F-Zero que je gueulais comme un veau en disant t'as vu le zoom, t'as vu le zoom. Et puis t'avais mes parents, ils disent mais il est fou, mon fils est fou. Oui, en même temps, t'es un petit peu fou. Vous avez pas tort. Voilà, Pixel Rift 1995, c'est comme Pixel Rift 1989, mais en mieux. Voilà, on passe de 8 bits à 16, 32 bits et c'est carrément bien. Et le prix, c'est quoi? Le prix, c'est 19,99€. Ouais, voilà, c'est fait par Arvor. Merci pour la clé. C'est passionnant. C'est fait par des passionnés. Et donc, je vous conseille quand même ce petit jeu. Et si vous parlez anglais, c'est encore mieux. Ana Ribeiro, donc studio brésilien. Et elle est excellente parce qu'elle est toujours déguisée dans le personnage. Dès qu'elle sort dans le moindre salon, quand il y en avait encore, elle était toujours déguisée avec son personnage. Enfin, ça a l'air d'être quelqu'un déguisé qui est super charismatique. Quoi. Ouais. Mais je crois qu'en plus, Cyril est un petit peu amoureux, non ? Oui, mais tu t'y attaches parce que tu vois qu'elle dirige non seulement son studio, elle est plutôt mignonne, elle est complètement tarée, elle se déguise dans plein de cosplay de dingue, rose et vert. Enfin bon, ça peut que passer, quoi. C'est un personnage qui est à part. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on vous conseille Pixel Rift 1995. Et bien maintenant, on va passer sur la deuxième partie de l'émission. On va parler de la fameuse démo qui défraye un petit peu Internet en ce moment. La démo qui a été développée par Epic Games, donc sur le moteur Unreal Engine 5. C'est Lumen and the Land of Nanit. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais de toute façon, on s'en fout. Très bien. Et pour en parler, on accueille avec un très très grand plaisir Jia. Salut Jia. Bonjour. Ça va ? Ça va, ouais, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je suis super content de vous parler. Et puis, parce que je regarde ce que vous faites. Et je trouve ça vraiment très bien. Et donc, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Bah, nous aussi, on aime beaucoup ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que tu es là. Ça fait du bien, de temps en temps, de ne pas entendre que des conneries sur YouTube. Donc, merci pour ce que tu fais. Exactement. Donc, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, JIA Photo Tech Jeux Vidéo, ouais. Qu'on vous conseille vraiment beaucoup parce que c'est la vulgarisation technique et c'est très, très bien fait. Tout est limpide. Voilà, merci pour le travail énorme que tu fais. Et c'est toujours avec le sourire. Merci. Et beaucoup. Toujours avec le sourire. Et ça, c'est bien. Et je me sers aussi de ce que vous faites dans le travail de vulgarisation, comme je suis pas du tout technique à la base, même si certaines personnes peuvent le penser, parce que je parle de trucs techniques. En fait, je suis une personne normale et je vais chercher plein d'infos et après je fais en sorte de les synthétiser pour que tout le monde les comprenne. Et c'est comme tu as dit de c'est la important. Vulgarisation et comme vous aussi vous êtes beaucoup dans l'explication de la technique, ce genre de choses, eh bien c'est bien. Bah en tout cas voilà, ça nous fait plaisir. Alors pour te resituer un petit peu, on t'a connu sur Console Plus, en tout cas dans le domaine des jeux vidéo, et sur Game One aussi. Tu faisais partie de l'émission Game Zone. Et voilà, en fait, on peut dire que tu viens pas de nulle part, justement, dans le game. Alors du coup, cette démo, est-ce que vous l'avez regardée, messieurs, dames ? Non. Non ? Quelle question ? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en as pensé, Majo ? Moi, C'était comme un dingue. Ah ouais, moi, si je te dis que j'avais des frissons, que les larmes me sont montées, l'émotion... Ah ouais, carrément. Ah ouais, moi, c'était l'excitation à son paroxysme. Alors, en fait, ce que j'ai dit, c'est ce qui est formidable sur cette démo, c'est que tout est allé crescendo, et j'adore quand ils font ça dessus. Tu te dis, bah c'est bon, je peux pas voir plus, et en fait, le One More Thing, c'est cette séquence mince où elle saute dans le vide, là... Le personnage pour aller s'envoler, alors là c'est magique, enfin, quand tu vois la vitesse à laquelle ça va et tout, c'est incroyable, il n'y a rien, pas de clipping et tout, enfin, c'est incroyable. Oui, donc je l'ai regardé au moins une dizaine de fois pour aller chercher les détails, alors j'ai trouvé, ralenti, toujours pareil, Il y a toujours deux, trois trucs qui déconnent, qui vont pas, mais c'est être pointilleux que de se dire que c'était pas superbe et magnifique, quoi, ce qu'on a vu. Voilà. Mmh. Moi, j'étais sur le cul. Je m'y attendais pas. T'es pas de mon avis ? Non. Non, non, moi je suis un rabat-joie de toute façon. Hein. Moi, je pense que. Ah oui, c'est vrai. Non, en fait, c'est... ah oui, bah, j'avais oublié. Non, mais je l'ai pas trouvé ouf en fait, moi, cette vidéo. Déjà. Non, mais pourquoi ? Parce qu'il faut avoir le recul, parce que déjà, c'est une démo technique. Donc, ça, on sait ce que ça veut dire. Oui, mais en temps réel. Démo technique, t'en as depuis le. Oui, mais en temps réel. T'en as depuis la Dreamcast, même depuis la Super Nintendo, t'en as des démos techniques. Et c'est pas forcément ce qu'il va y avoir devant nos écrans quand on va avoir un vrai jeu. Ouais, là, je suis pas d'accord. On va le rappeler, c'est faux. Pas un vrai jeu. Oui, bah, attends, c'est même la Dreamcast. Hein, souviens-toi des visages qu'il y avait sur le CD de démo de Shenmue. C'était pas ce qu'il y avait dans le jeu. Hein. Oui. C'était beaucoup plus détaillé et dans le jeu c'était quand même beaucoup plus simple. Faut aussi que ça s'intègre dans une logique de gameplay et dans un jeu qui va durer des dizaines d'heures. Et puis en plus, au-delà de la résolution et puis voilà de la fluidité de cette démo là. Je trouve qu'en fait, on en fait beaucoup, par exemple, sur les effets de roche qui est au début, ou sur les espèces de statues qu'il y a en milieu de vidéo. Mais en fait, c'est que de la colorimétrie, ce truc-là. On est d'accord. C'est. Ben justement, mais c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, t'arrives à faire. Non, mais c'est que t'arrives à faire de l'équivalent de Bah oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je sais pas si c'est de la colorimétrie. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'arrives à faire de l'équivalent du ray tracing sans en faire, en fait, et tout le monde est bluffé. Et c'est ça qui est formidable. Et ça bouffe moins de ressources que du ray tracing. Donc on s'en fout au final que ça soit du ray tracing ou pas. Mais ils n'ont jamais parlé que c'était pas du ray tracing. C'est pas du ray tracing matériel. Ça veut pas dire que c'est pas du ray tracing. Puis le ray tracing, ouais, on va dire si, que si, c'est. Si, ils en ont parlé que c'était une techno dérivée du ray tracing. Même, mais merde. Alors, j'aurais pas les termes techniques exacts si tu veux, mais c'est. C'est un espèce de système, si tu veux, qui est différent du ray tracing et qui est moins gourmand que du ray tracing. Non, c'est une partie. En fait, il y a ce qu'on appelle le full ray tracing. Le full ray tracing, en fait, on va dire que c'est un dossier. Le dossier va s'appeler ray tracing et à l'intérieur, il va y avoir tout un tas de types de rendus. Alors déjà, on démarre au niveau des textures. Donc chaque texture va avoir sa couleur, va avoir des notions de diffusion, des notions de luminance, de transparence, de réflexion, de relief aussi. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'une texture, pour faire un relief, on lui appliquait une texture en fait en noir et blanc. Ce qui était noir, c'était ce qui ressortait concernant les reliefs. Et ce qui était blanc, c'était ce qui était enfoncé. Donc on créait un volume sur un objet lisse. Et avec une texture, on arrivait à faire un bump, comment on appelle ça, un relief à Normal partir d'une map. Texture. Voilà. Et donc ça, c'est le côté texture. Après, il y a plein de choses. Il y a la spécularité, il y a tout un tas de trucs. Ça, c'est les textures. Et après, au niveau des rendus, donc tu as le full ray tracing qui va englober l'illumination globale, donc le GI. Tu vas avoir l'occlusion ambiante, c'est ce qui va te créer des ombres à des endroits que l'occlusion, que justement l'illumination globale ne pourrait pas te faire. Tu vas avoir des tas de choses, tu vas avoir la profondeur de champ qui va te créer des flous, les caustiques qui sont encore plus gourmands. Tu vas avoir les effets de lueur, les effets de lentilles, les flous directionnels, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et cet ensemble, je dirais que ça, c'est du full ray tracing. Donc là, ce qu'il faut déjà bien se dire, c'est qu'il n'y a aucun PC qui est capable de faire du full ray tracing aujourd'hui en 4K et en 60 FPS, par exemple, parce que c'est tellement gourmand que c'est un truc de malade. Ils ont fait juste l'illumination globale. Juste avant. Et certainement de l'occlusion. Juste avant de parler technique, Laurent. Oui. Gia, t'en as pensé quoi, toi? Alors, moi, sans aller jusqu'aux larmes en regardant la vidéo, mais j'avais la banane. Je suis très sensible d'habitude, mais là, c'est pas aller jusqu'à me faire me tirer des larmes. Mais j'avais la banane pendant toute la démo. Quoi. C'était, je regardais le truc, je me dis non, c'est pas possible. Oh, comment ils ont fait ça? Et puis c'était quand même une démo technique, mais ça m'a fait rêver. Et j'essayais quand même de comprendre ce que la personne expliquait, donc qui a fait l'effort de l'expliquer simplement. Donc j'essayais de comprendre en même temps avec l'émerveillement. Et plus ça avançait, et plus je me disais non, c'est pas possible. Et plus je voyais, en fait, ce que ça pourra amener pour les prochaines générations, je me dis, mais ça va tuer. On va vivre une génération formidable. Alors, ok, c'est une démo technique, mais c'est quelque chose qui va, je pense que ça va vraiment amener quelque chose. Et dans un autre coin de ma tête, je me disais, mais ça, c'est Unreal Engine 5. Mais ça veut dire que les moteurs sur lesquels ils sont en train de travailler chez Sony, là, depuis quelques années, peut-être, ça veut dire que ça va aller plus loin que ça, peut-être. Et je me disais, c'est vrai mais que en les fait, moteurs maison, en général, sont encore plus performants que les moteurs, on va dire. Je pense à Crytek. Ouais, et vous avez fait plein de vidéos techniques. Moi, je me suis vraiment plongé là-dedans. Et pour moi, cette démo-là, c'est vraiment, j'ai vu ce qu'on a vu, ce qu'on a décortiqué au niveau technique. Voilà, concrètement, ça donne ça. Ok. Et le fait qu'ils le traduisent avec un style de jeu à la Tomb Raider, donc c'est super familier. Donc tu dis ok, donc ça veut dire que le prochain Tomb Raider qui arrive, ça risque d'être du même acabit. Alors peut-être pas aussi fouillé, mais on peut s'attendre à un truc comme ça. Donc pour moi, ça a été, ça a fait un tour dans ma tête et je me suis dit ok, cette génération là, ça va être bien. Justement pour faire encore le rabat-joie. Hein. Tu trouves pas juste... Il est pénible. Ouais, je suis chiant, je fais ce que je veux en même temps. Non, en fait, tu parles justement à juste raison de Tomb Raider. Moi, un truc qui m'a marqué aussi, c'est que donc c'est une démonstration technique. Seulement, le gameplay m'a vraiment fait penser à des trucs qui existent déjà depuis 15 ans, quoi, à peu près. C'était un espèce de ressentiment un petit peu bizarre en moi, justement, de me dire que, techniquement, on va pouvoir faire des choses magnifiques, mais qu'on va quand même rester dans des gameplays à l'ancienne, sans grosse recherche, ni quoi que ce soit. Bah, écoute, non, parce qu'ils l'ont dit, c'est pas un jeu, déjà, d'une part, et ensuite, ils l'ont développé en 4 mois, 3 mois 5. 5 mois. Bon, voilà. 5 mois, ouais. Enfin, là, ça, c'est un truc pour vendre le moteur. Hein. Donc, c'est pour vendre le graphisme de l'image. C'est vraiment une vitrine, quoi. Une bande annonce. À mon avis, là, ce qui va se passer, c'est que si tu peux utiliser le Global Illumination de cette façon-là, et qu'en plus, tu as tous ces trucs de streaming des assets depuis le disque dur, ça va donner des idées à certains. Au niveau de nouveaux concepts de jeu, moi je suis assez optimiste que certains développeurs voient ça et qu'ils ressortent par exemple des trucs de leur tiroir qu'on leur avait dit non, ça va pas être possible de faire. Exactement. À mon avis, on peut voir quelques bons concepts qui vont arriver. Comme on disait, les transitions entre plusieurs univers ou plusieurs environnements, tu sais, ou un jeu qui se joue sur plusieurs timelines, ça va être, je pense, beaucoup plus facile à gérer comme de cette manière-là qu'avec l'ancienne génération de matériel, quoi. Donc c'est moi aussi je partage de la VGA, je suis assez optimiste sur les idées qui vont fuser un peu dans la tête de tous les devs et donc je suis hyper confiant quand je vois un truc pareil, même si tu peux me dire c'est une démo, c'est fait pour en mettre plein les yeux, etc. Je me dis oui, mais ça tourne. Donc même si c'est pas pile poil ça et que c'est 10% en dessous de ça, franchement je suis sûr on le percevra même pas, quoi. Et d'ailleurs je vais te contredire, tu as la démo de l'Unreal, sous Unreal Engine 4 qui avait été présentée sur la PS4 il y a 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Si tu regardes... Avec le gros chevalier dans la lave, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, on n'est pas si loin que ça. Et en plus, le framerate, il était aux fraises, quoi, à l'époque. On n'est pas si loin que ça. On est mieux que ça. Je suis désolé, God of War est plus beau que ça. Hein. Justement, ouais, mais t'as quand même des détails, des textures au niveau des particules et tout ça... qui sont un peu plus détaillés, je trouve, dans la démo que en vrai. Mais par contre, le framerate, il est à chier, quoi. Donc oui, de toute façon, t'as toujours cet équilibre qui sera nécessaire entre la puissance, l'aspect graphique, pardon, et ton framerate. Mais franchement, on y est, quoi. La démo de l'Unreal 4 sur la fin de gen PS4, on y est largement. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Saïd. Moi, ça m'a pas du tout inquiété. Quoi. j'ai vu la démo. Alors c'est Majo qui m'envoie un message en me disant « T'as vu le truc qui vient de sortir ? Dépêche-toi !» Je dis vachement bien. J'étais tranquillement et puis j'ai mon téléphone qui fait sting sting sting sting. Je vois qu'il y a 15 messages en une seconde. Je dis putain, il s'est passé quelque chose. Je saute dessus. Je vais voir la démo. Et franchement, je suis resté sur le cul quoi. Mais t'avais aussi l'aspect marketing parce que c'est au Summer Game Fest que ça a été annoncé et puis ils teasaient un nouveau jeu. Et en fait, ils ont noyé le poisson, ces salauds. Et du coup, personne s'y attendait. Et c'est ça qui est d'autant plus excitant, c'est que quand tu t'y attends pas du tout et quand te tombe un truc comme ça, que tu attends par contre depuis des mois et des mois pour voir enfin ce que ça va donner, bah là t'es deux fois plus content, tu vois. Et après, à la lecture, ce qui est vrai, c'est que c'était vraiment une énumération de ce que Marc Cerny avait dit, par contre. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. C'est ce que j'ai retranscrit dans le premier article sur ce sujet. C'est qu'il avait vraiment insisté sur les sacs poubelles ou les lampadaires, même avant de faire la vidéo. Enfin, la vidéo, c'était sur les sacs poubelles. Mais avant, il avait déjà parlé des lampadaires qui étaient stockés dans la RAM, justement. Moi, ce nombre de statues, j'ai fait un saut quand je l'ai entendu. Et puis après, quand il est parti, à la fin de la démo, quand elle part en saut, qu'elle part en plongée sur 3 à 4 km à une vitesse de dingue. Alors attention, la vidéo n'est pas... ça reste scripté, hein, c'est pas jouable. Oui, mais Epic Games voulait la faire jouable et apparemment ils n'ont pas voulu pour éviter les éventuels problèmes techniques en fait. Mais globalement, ce saut met vraiment en avance les capacités de ce fameux SSD. Et puis. Autre chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que Marc Cerny l'a bien dit, au tout début où ils ont commencé à développer la PS5, le premier point, c'est qu'il est allé se balader dans le monde entier pour voir différents développeurs et voir ce qu'ils attendaient. Et de l'autre côté, le PDG d'Epic Games a bien précisé que ça faisait des années qu'il travaillait avec Sony pour développer, pour voir ce qu'il pourrait faire avec cette PS5. Et cette démo, en fait, c'est un petit peu une finalité. C'est un partenariat. Ce qu'il faut bien être sûr, parce qu'il y a des moments, je pense que je ne suis pas clair là-dessus, c'est que Unreal Engine fonctionnera sur toutes les consoles. On parle de la Switch, on parle d'un téléphone portable, on parle d'une Xbox, même sur les téléphones X, on parle d'une PS5. Tout ce qu'il apporte fonctionnera bien sur toutes les consoles. Tout ce qu'on dit, c'est que cette démo a été vraiment faite en partenariat avec la avec Sony, avec la PS5, elle sert à la fois de présenter Unreal 5 et à la fois aussi de présenter quelques points forts de la PS5. Alors justement, je voulais demander à Jia, qu'est-ce qui fait à ton avis que cette démo est vraiment spécifique justement à la PS5 et pas à la Xbox One X, enfin pas à la Xbox Series X ou un ordinateur portable? Est-ce que tu penses que justement ce genre de démonstration peut tourner avec une qualité équivalente sur un autre device? Ouais. Alors, c'est très très difficile à dire, parce que on ne connaît pas les consoles encore à l'heure actuelle, on n'a que les spécifications techniques et ce que chaque constructeur veut bien nous donner comme information. Et je dirais que si Sony a travaillé en partenariat avec Epic, sur cette démo, c'est pour mettre en œuvre en fait une vision concrète de ce que l'architecture de la PS5 veut dire. Je pense qu'à l'époque où ils ont dû commencer à faire la démo avec le dev kit de l'époque de la PlayStation 5, c'était justement pour montrer tout ça. C'est pour ça qu'on a toutes ces statues. C'est quand même plus classe d'avoir des statues que des sacs poubelles dans une démonstration. C'est pas faux. Ça n'aura pas eu le même impact, à mon avis. et ce côté fast travel qu'on a vu sur les leaks sur la démo de Spider-Man qui ont impressionné tout le monde, le fait qu'il y ait ces passages là qui font écho à ce que Marc Cerny a dit, je pense que il y a une bonne partie de ça qui est fait pour démontrer ce dont est capable la PlayStation 5. Après, entre-temps, je dirais que il y a eu aussi des progrès au niveau techno, notamment sur la vitesse des SSD qui s'est beaucoup améliorée sur PC. Microsoft, entre-temps, a aussi mis une architecture en Velocity. Alors ça, j'ai pas trop encore étudié, mais qui, a priori, reprend plus ou moins le même principe, mais avec une autre voie en soft. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est que chez Epic, ils ont dû avoir, en discutant avec Sony, ils ont dû voir et comprendre, peut-être que c'est une idée qu'ils avaient déjà avant, et donc ils ont pu travailler concrètement sur un projet qui mette en avant ces technologies de streaming des assets, parce que c'est ça en fait à la base qui permet ça. Après que la PlayStation 5 le fasse parce que c'est le cœur de son architecture, c'est sûr. Après que les autres plateformes puissent le faire aussi, peut-être pas à une mesure aussi extrême que la PlayStation 5, ça pourrait être faisable. Donc la démo telle qu'on a vue, pareil, quand on n'a pas eu de benchmark, on a juste vu la vidéo et puis les commentaires de Epic. Donc on sait pas en fait quelles sont les ressources qu'il faut pour ça, quelle est à la limite le minimum configuration pour faire ça. Bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est que tu parles de benchmark, mais on peut pas du coup en avoir un aujourd'hui. C'est pas une architecture qui est comparable à une autre qu'on connaisse en fait, donc on n'a pas d'éléments de comparaison, je pense, pour faire un benchmark encore aujourd'hui. Ouais. Non, c'est sûr. Enfin, là, je vois dans le monde de la photo, par exemple, dans le monde de la photo, on va sur le site DxOMark, je crois, pour voir la qualité des appareils photo. Et donc, il y a des notes, il y a des chiffres et tout ça. Et donc, tu as dans le haut de classement, tu as Nikon, Canon et Sony. Et tu as Fujifilm qui arrive. Et comme ils utilisent une techno qui est totalement différente pour capter les pixels et retravailler les couleurs, on voit à l'image qu'ils ont une super qualité d'image. Par contre, ils peuvent pas être classés dans le truc parce que ils ont une technologie qui est différente. Mais on voit qu'ils sont très bons en traitement des couleurs, en utilisation des pixels, enfin etc. Quoi. Donc plein de paramètres. Mais ils sont pas là. Et donc pour la PlayStation 5, c'est très possible que ça tombe aussi dans ce genre de situation. C'est pas mal ça comme comparatif, ça me fait un petit peu penser aussi aux différences de configuration que tu peux avoir entre un ordinateur, enfin un PC sous Windows classique que tu montes toi-même et un Mac par exemple, où les configurations sont tellement différentes, les systèmes d'exploitation sont tellement différents et n'utilisent pas les mêmes ressources l'un l'autre, que du coup tu peux pas vraiment comparer en fait, à part ton ressenti personnel et ce que tu préfères faire avec, tu peux pas vraiment comparer ce genre de choses. Ouais. C'est vrai que c'est en ça que la configuration, en tout cas de ce qu'on sait de la PS5 pour le moment, nous permet pas vraiment de comparer avec quoi que ce soit. Et j'ai l'impression qu'en fait cette démo, je sais pas si elle fait du bien justement pour la compréhension. J'ai l'impression qu'elle alimente surtout une espèce de guerre des consoles un peu débile. Ah bah oui, ça totalement. Ouh là là. La guerre des consoles, de toute façon, à mon avis, elle sera là tant que... Tant que ce ne sera pas du concret. Bah, tant qu'il y aura des soldats. Disons que quand tout le monde saura quelle console il va acheter, soit les deux, soit en fonction du budget l'une ou l'autre, après quand tu as ta console, qu'est-ce qui te passionne? Tu t'en fous du reste. Tu achètes une Switch, tu sais qu'elle est moins puissante, mais tu es content d'avoir un Zelda, tu es content d'avoir... Donc au final, quand tu as ta console, après tu te concentres sur les jeux, et tant qu'on n'a pas passé cette phase-là et que ça continuera à fighter sur des bricoles, on va dire, sur des notes techniques, c'est sûr. Après, dans quelques mois, on n'en sera plus là, parce qu'on dira, moi j'ai acheté la PS5, moi j'ai acheté les deux, moi j'ai acheté la série X, moi j'ai acheté la Switch 2. Ça durera toujours. Et après, je trouve que c'est moins marqué quand c'est lancé. Ça sera pareil. Qu'avant, avant le lancement. T'auras mon Halo, il est plus beau que ton Horizon. Ah, mais ça, après, mon Forza, il est plus beau que ton Gran Turismo. Mais c'est après, éternel. Après, tu t'en fous. Tu as ton jeu à la maison, tu joues, tu dis il est bon, il est pas bon. Disons que t'en es plus à. Je dirais qu'en ce moment, il y a plus de monde qui. Il y a une partie qui savent déjà ce qu'ils vont avoir, et puis il y a une partie qui ne savent pas trop. Et ils n'attendent pas forcément de voir trop de jeux. Ils veulent savoir ce qu'elles ont dans le ventre. Et c'est en ça que cette démo a mis une claque, parce que visuellement, même si au niveau du gameplay, c'est pauvre, mais visuellement, elle en met plein les yeux. Et c'est peut-être, mais c'était pas le but. Et c'est pas le but pour Unreal, parce qu'Unreal, il doit montrer ce qu'il est capable de faire. La PS5 doit montrer aussi ce qu'elle est capable. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois de ça, la PS5 elle était annoncée perdante avec un 2 teraflops de moins. Donc il y avait quelque chose qui s'était installé où les gens étaient dans le doute. Et puis d'un coup, tu prends ça dans la figure et tu dis mince. C'est vraiment ça qui est. On n'a pas eu la réponse de Xbox encore. Ouais, mais en fait, c'est le timing, en fait. C'est le timing de cette démo-là. C'est oui, le c'est fait ça. Que ça arrive juste après Inside Xbox, mais genre à quelques jours, qui a déçu beaucoup de gens, y compris les fans Xbox. Et après, bon, il y avait quand même des belles choses montrées, mais les attentes étaient tellement hautes que c'était pratiquement impossible de pouvoir répondre à cette attente. Et derrière, c'est un peu leur faute, en fait. Ouais, c'est de créer cette attente, de faire ça et puis de présenter. Et c'est là où on voit vraiment la différence dans la façon de marketer leur console, quoi. Et derrière, on a, alors c'est même pas Sony, c'est Epic. Hein, c'est Sony, ils ont travaillé ils en ont amont, même pas mais parlé. C'est pas eux qui le montrent. Donc c'est quelqu'un d'autre qui dit que la PlayStation est bien. Donc c'est encore et puis c'est plus pas n'importe fort, qui. Je veux dire. Mais oui, mais est-ce que c'est pas meilleur du coup en termes de communication de t'entendre dire par un tiers que c'est bien plutôt que l'éternel oui bah nous on est mieux que chez les autres, nous on fait ça, nous on fait ça. Nous on sait le faire aussi. Mieux, forcément c'est mieux. Et puis il y a aussi le fait que moi j'ai l'impression que depuis cette démo, tu vois là des vidéos sur la PlayStation 5, j'en ai fait, vous en avez fait. Il y en a eu beaucoup. On a expliqué qu'est-ce que ça apportait pour que les gens comprennent un peu quoi. Mais depuis cette démo, les gens se rendent compte que la PlayStation 5, ça va être bien. Moi, c'est l'impression que j'ai. Depuis qu'il y a eu cette démo, donc ça a bien alimenté la guerre des consoles. Donc d'un côté, tu as les fans Xbox, et de l'autre côté, il y a les fans PC qui disent ouais, mais notre machine, elle pourra le faire aussi. Mais si, elle pourra le faire. Et puis, ça tombera sur l'arbre. Donc, c'est le monde à l'envers. Donc, c'est presque, c'est des sketchs, hein. Franchement, ouais, surtout c'est un sketch. Surtout que Sweeney, en plus, il a un peu enfoncé le clou en disant que la PS5 était plus performante que les plus gros PC. Donc, le mec lui aussi, il rajoute un peu d'huile sur le feu. C'est pas très fin, quoi. Il fait son commerce pour vendre Unreal. Mais par contre, ce qui est très très fort, c'est que cette démo, elle a mis tout le monde d'accord sur le point, elle est magnifique. Et du coup, t'as ceux qui sont pro PC ou presque pro... tout le monde. Oui, non, mais je veux dire, visuellement, elle en jette. Et tu as pas eu, par exemple, des gens qui ont dit ouais, c'est pas si bien, c'est moche, c'est pas terrible. Il y en a toujours, hein, des pas contents. T'as plutôt eu des gens qui ont dit ouais, mais ça va tourner aussi sur PC et ça va tourner aussi sur Xbox. Et c'est en ça que c'est très fort. Parce que les mecs, ils ont dit, il y a eu le Xbox Inside juste avant, et ça, par contre, c'est vrai que les jeux qui ont été présentés à l'Xbox Inside, la douche froide, hein. Ça a été un peu violent, parce que quand tu vois le nombre de pouces hauts et de pouces bas, que j'ai redit dans l'article, c'est un peu violent comme réaction de mettre 35 000 pouces bas, et peut-être, je ne sais plus combien il y en avait, 27 ou 30 000 pouces hauts, tu te dis, putain, les jeux, ils sont quand même chouettes, quoi. Mais est-ce que c'est pas mérité? Parce que, encore une fois, ils ont tellement teasé la com, ça va être la gifle, vous allez pas en revenir, préparez-vous, blablabla. Exactement. C'est encore un problème. C'est arrivé. Les gens, ils étaient sur les nuages et puis ils sont redescendus. Xbox Series. On en a parlé il y a deux semaines. Xbox Series X, la console la plus puissante du monde. On va vous montrer ce qu'elle est capable de faire. Le même passage que la 2D à la 3D. Donc un teasing de fou juste avant. Donc les gens, ils sont à bloc. Et puis là, on leur montre des cinématiques en in-engine. Et là, Sony, derrière, ils arrivent quelques jours après avec un truc en temps réel jouable. Et sorti de nulle part. Enfin, pas Sony, Epic. Et sorti de nulle part. Oui, exactement. Epic, oui. C'est sorti de nulle part. Personne s'y attendait. Donc, il n'y a pas de hype, pas de. Tu sais. Donc, c'était la découverte. Du début jusqu'à la fin, c'était la découverte, quoi. Et ça fait mal. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et ça a fait l'effet. Mm. Enfin, c'est super bien joué hein, de la part de Sony. C'est vraiment, vraiment un coup de maître sur ce coup-là. Et alors, la force tranquille, en fait. Alors, ce que j'allais te dire, avec le recul, parce qu'on est toujours en train de dire, ouais, Sony parle pas, Sony sont dans la merde, ils changent de dirigeant, ça va pas au sein de PlayStation, blablabla. Est-ce qu'au final, ils maîtrisent pas leur communication du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser cette question? Ah, moi, j'ai jamais été partisan de dire qu'ils ne maîtrisaient pas leur communication. Il y en a beaucoup, quand même. Enfin, tu l'as beaucoup lu par-ci, par-là. Et est-ce qu'au final, c'est pas justement eux qui maîtrisent le mieux leur communication? Parce qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose, c'est bien placé et ça fait mouche. Tu vois ce que ouais, je veux dire? Ouais, ouais. Bah ça fait des années maintenant qu'on connaît Sony. Et eux, ils ont un planning qui est bien défini. Et les peu de trucs qu'ils font en plus, c'est voilà, c'était la DualSense juste au moment juste avant le avant l'Xbox. C'est juste c'est ça. Mais genre on donne une miette et puis ça et puis là en fait ça va arriver, on va arriver dans la période qui aurait dû être le 3 et c'est la période où il y a la vraie communication autour des lancements de consoles. Ça a toujours été comme ça. Donc c'est pas parce que les concurrents vont dégainer plus vite que eux ils vont aller présenter des choses plus tôt parce que ils ont, enfin, dans leur communication, il y a la présentation de la console, mais il y a aussi la présentation de tous les jeux en first party, au moins. Et s'ils ne donnent pas le temps imparti, s'ils commencent à presser leurs développeurs pour dire non, il me faut la démo là dans 15 jours, ça le fait pas. Et donc, du coup, leur communication est vraiment, je pense, construite depuis un certain temps, et donc ils ont un planning, ils s'y tiennent. Ça doit être dur en interne de se dire ils s'y tiennent, mais en même temps ils savent ce qu'ils vont annoncer. Et donc moi je me demande s'ils sont pas en train de se dire bon allez on se tait, on fait comme si de rien n'était et personne n'a fait, il y a pas grand monde qui a dit quelque chose de travers dans toute cette campagne quand même, oui, en interne. C'est vrai qu'il y a pas de fuite. Tu vois, ça fuit pas. Il y a eu c'est un ça, truc ça sur Horizon, mais on n'a même pas eu d'image. Alors on sait qu'ils bossent dessus, ok, d'accord, mais on sait. Ouais, ça, c'est les secrets de Polichinelle, c'est comme Foire, c'est comme Gran Turismo, c'est comme. Fin... Ouais, on ça, sait qu'ils bossent dessus. C'est les secrets de Polichinelle, on s'en doute, c'est pas officiel, mais on s'en doute. Mais on a aucune image, on a aucune vidéo, on n'a pas de développeurs qui ont parlé, et ceux qui ont parlé, les rares qui ont pu parler un petit peu, ils ont tout de suite retiré leurs tweets ou leurs articles. Est-ce que vous pensez pas que c'était, il y a un truc qui me marque, c'est justement sur cette démo en particulier, où ils ont quand même utilisé un environnement plutôt aventure à la Lara Croft, et il y a un moment où je me suis dit, est-ce que c'est pas pour faire écho, quand tu vois cette démo, tu te dis, putain, un Horizon comme ça. Putain, un Uncharted comme ça. Ah bah oui, c'est générique. Est-ce que c'est pas pour faire écho à... J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus pensée que... Qu'elle est vraiment bien pensée. Par exemple, si on voit la démo du ray tracing en fait. Chez AMD, où c'était un robot tout en miroir, dans un monde tout en miroir, qui a été beaucoup critiqué parce qu'elle n'envoyait pas du lourd pas visuellement. Celle-là, au contraire, elle en envoie beaucoup. Et il y a autre chose aussi, c'est le fait de commencer dans ce canyon, cette grotte au départ, où c'est qu'on a plein de petites pierres qui tombent autour de nous, qui met aussi en évidence le son 3D sur lequel Sony a vraiment appuyé. Travail. Il y a énormément de détails comme ça où je vois une démo qui a été storyboardée, qui a été repensée, qui a été réfléchie, mais qui a été vraiment à la base, qui a été on fait quoi, on fait ça. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Qui une démo qui peut permettre justement aux joueurs de se projeter un petit peu, voilà, de projeter vraiment, cette technologie sur d'autres licences déjà existantes depuis le départ, quoi. J.A. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'est très très bien d'avoir pris quelque chose de familier et qui fasse penser à plusieurs types de jeux dans un environnement qui est censé être simple, mais pas si simple que ça. Et le fait qu'il y ait des sons en même temps, enfin, elle est super bien pensée. Ça permet, comme tu dis, de se projeter sur ce que ça pourrait être. Et c'est ça qui a marché, c'est que les gens se sont reconnus, les gens se sont vus en train de jouer à ça. Et c'est très fort comme façon de... On agit au niveau de l'inconscient, de la psychologie des joueurs, de ce qu'ils attendent. Parce que là, on imagine effectivement un Tomb Raider, on imagine Uncharted, du God of War, ou tous ces jeux-là, où à un moment donné, on passe dans une caverne avec de l'eau, avec des trucs où on grimpe, ou ce genre de choses. Donc, je suis d'accord, c'est super bien fait comme script. Tout ça sera peut-être fini du coup, hein, parce que tout l'aspect grimpette qui était préparé, ou même l'aspect grotte pour justement faire charger les décors, etc. derrière, rien ne t'empêche de dire bon ben voilà, je vais avoir un perso surboosté, il va faire un jump, il va monter d'un coup et puis finir l'escalade, quoi. Et les tutos, où est-ce qu'ils vont les mettre? Les tutos. Bah les tutos, tu sais, pendant les temps de chargement, si vous voulez appuyer sur... ça sera fait différemment. Votre télécommande. Ça, ouais. Peut-être que tu pourras mettre l'option. Est-ce que tu veux les tutos qui simulent les temps de chargement ou pas? Rien que faire Mumuse avec l'éclairage dans le jeu, juste pour changer la lumière. Ah ouais, et tout. Non mais t'imagines les modes photo avec ça? les modes photo. Ça va venir. Mais ça existe déjà, non ? Il y a pas des jeux qui le font déjà ça là, avec les changements de lumière où tu peux changer les placements des lumières. Ah, je sais pas. C'est pas Red Dead d'ailleurs qui fait ça. Tu peux mettre le jour nuit. Je sais pas. Sur Red Dead, il y a Dream ce qui le fait, oui, où tu changes le soleil à la place que tu veux. Mais ce serait extra dans un jeu en rendu comme ça de s'amuser à faire tes éclairages. Paper Beast, tu peux le faire. D'ailleurs, tu parles de Dreams. Tu parles de Dreams. Vous avez vu là, il y en a un qui a refait la scène avec la grotte et la lumière dans Dreams. Ah, je l'ai pas vu. De la démo de la PS5. Je l'ai pas vu, non. Ah non, je l'ai pas vu. Ah ben, il s'est amusé. Hein. C'est pas bon, de loin, c'est pas dégueulasse. De près, bon, bah c'est les shaders de Dreams, donc forcément, c'est un petit aspect fumeux et tout, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais de loin, franchement, c'est pas déconnant. Hein. C'est très très bien retranscrit. Ce jeu aussi est formidable pour ça. Enfin, le moteur de ce jeu est incroyable. Tu peux vraiment tout faire avec. C'est clair. Et du coup, Gia, comment tu vois toi justement l'avenir un petit peu du jeu vidéo sur la nouvelle génération ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comment est-ce que tu l'appréhendes ? Alors, à quel niveau ? Parce que c'est un peu vaste. C'est une question large, c'est une question très large. C'est super large comme question. Ça, par exemple, sur le marché, nous, on est spécialisé vers 4Player, on est spécialisé dans la réalité virtuelle, sur console principalement, un petit peu PC, mais voilà, c'est pas notre cœur de rédactionnel. Pour nous, l'avenir, c'est la réalité virtuelle. Mais on est conscient quand même que c'est pas que ça et que la place du plat a une place vraiment prépondérante dans ce marché-là. Toi, comment est-ce que tu vois justement avec avec les annonces qui ont été faites maintenant, comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir ? Comment je vois l'avenir ? Ce qui englobe le cloud gaming, la disparition des consoles, la disparition des PC, est-ce que ce sera plus de la réalité virtuelle ? Est-ce qu'on aura une nouvelle génération de consoles ? À long terme. T'as 2 heures. le cloud gaming va être de plus en plus important. À mon avis, sur PlayStation en tout cas, ils vont mettre le paquet sur le PS Now parce que justement il y a ce côté place du stockage qui est pas super élevé. Et donc si à l'avenir en fait tu peux avoir un stockage pratiquement illimité sur un truc de type PS Now et que tu puisses charger tes jeux rapidement grâce aux connexions plus tard, en fait ce côté stockage chez toi sera plus, les limitations ne seront plus si importantes que ça. Et le fait que tu puisses jouer en streaming et tout ça, et ce qui, enfin quand on suit un peu ce qui se passe dans le monde des serveurs, dans le monde de tout ce qui est truc à distance comme ça, ça va, il y a encore de la place pour de l'amélioration. Donc là, pour l'instant, on en est beaucoup sur le temps de latence, il faut des grosses connexions et tout ça. Mais ça, tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà vécu quand on est passé des modems normaux, des modems qui font à la DSL. C'est des trucs qu'on a déjà vécu. Donc à l'époque, on disait non, mais c'est pas possible, Internet, c'est trop lent, on pourra jamais écouter de la musique dessus, tu vois. Aujourd'hui, on regarde des vidéos sur Internet. Donc ça va avancer dans cette direction-là. Donc le cloud sera très très important, de plus en plus important. Et puis il y a aussi ce côté où on va avoir des jeux qui vont ressembler de plus en plus à la réalité. Et ça, à mon avis, ça va être de plus en plus perturbant. Même si les yeux entraînés pourront encore repérer que certaines images sont des vraies et d'autres pas. Et quand je vois ce qui se passe en rendu 3D, si vous suivez un peu tout ce qui est design et tout ça, là, à l'heure actuelle, toutes les pubs, pratiquement, sont faites en rendu 3D avec du ray tracing. Ouais. Et personne ne voit. Personne ne les voit. Tout le monde, c'est des vrais. Mais en fait, non. Ça fait marrer parce que tu disais tout à l'heure que justement c'était quelque chose qu'on avait déjà vécu, notamment avec les modems et maintenant les connexions. Mais c'est vrai qu'avec ce rendu 3D, c'est pareil. Et justement, je rebondis un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur Pixel Rift 1995. T'as les réflexions, des petits clins d'œil avec les parents derrière pendant que tu joues à un jeu sur 32 bits, les premiers jeux qui étaient vraiment dégueulasses, où les gens qui étaient de l'extérieur disaient waouh, mais c'est tellement réaliste, ça a l'air tellement réel. Alors qu'en fait, non, c'était moche. Et que maintenant, en fait, c'est à peu près la même chose qu'on revit, en fait. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Ça fait un peu marrer, quoi. Ouais, imaginez-vous, on vous montrerait cette démo il y a 30 ans de ça. Oula. Même pas, hein. Mais partie de rien. Rappelez-vous des premiers films d'animation de Pixar au salon Imagina. Et puis là, tu regardes le jeu, quoi. Ah bah là, c'est sûr que... Ben, j'ai une question avec par rapport au cloud qui est technique et j'ai absolument pas la réponse, ça vient de me venir comme ça. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire d'essayer de streamer des assets comme vous disiez sur les SSD, mais qui vont être streamés eux-mêmes via internet? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit avec ça, si tu veux? Parce qu'on sait du coup que les connexions internet, il faut qu'elles soient hyper vivaces déjà pour afficher ce qu'on a aujourd'hui. Donc est-ce qu'elles vont pouvoir supporter cet affichage encore plus rapide qui est demandé avec des supports physiques? Alors peut-être pas directement d'internet, parce qu'il faudra, si ça utilise les fonctionnalités du SSD, il va falloir quand même le charger sur le SSD. Mais là, si c'est streamé directement depuis internet, je pense que là on est sur une fenêtre à 10-15 ans au moins. Ouais, oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est un peu, je trouve ça un peu paradoxal. Mais c'est antinomique. C'est certainement pour ça que les constructeurs proposent encore des consoles. Parce qu'il y a encore. Allez, une génération va faire encore 6 ans. Oui, mais justement, en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la génération actuelle, on s'approche du cloud gaming. Oui. Et là, en fait, avec ce qui arrive, j'ai l'impression qu'on s'en éloigne. Ou qu'on l'éloigne, lui aussi, si tu veux. C'est-à-dire que plutôt que quelque chose qui va arriver dans 5 ou 10 ans, ça va plutôt être quelque chose dans 15 ou 20 ans. Comme vous venez de le dire. Je pense que Gia, qui connaît très bien la photo, on peut comparer ça peut-être à l'argentique et au numérique, où quand le numérique est arrivé en photo, il y avait encore des cours à l'école de photo argentique où tu développais tes photos en classique. Et puis à cette époque-là, tu demandais à tout le monde, ouais, mais le numérique, c'est n'importe quoi, c'est vachement inférieur au niveau qualité à l'argentique. Et puis il y a eu un moment où le numérique a pris le dessus sur l'argentique, et il y aura un moment où le cloud prendra un dessus. Le problème, c'est que pour l'instant, il est en dessous, parce qu'on n'a pas les connexions suffisantes dans le monde. Le jour où on aura des débits de malade et aucune latence sur du 4K 60 FPS, la question ne se posera même plus, et à ce moment-là, les PC n'existeront plus non plus, parce qu'on aura tout en abonnement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gia, mais... Oui, c'est... c'est pour l'instant, je pense que la disparition des consoles ou des PC, c'est encore un peu tôt, mais effectivement, dans un futur un peu plus lointain, ces formules à l'abonnement avec de la puissance déportée depuis des serveurs, ça me semble être en fait la voie du futur. Ça semble logique en fait dans l'évolution des choses. Et alors, heureusement ou malheureusement? Malheureusement, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Non, ton avis, personne ne sait, du coup, on sait pas ce que ça donnera, si ça sera positif ou négatif. Mais juste ton avis, est-ce que tu es pour moi, ce système de cloud, pour t'affranchir de tout ce qui est matériel, physique, CD, console, ou est-ce que tu aimes garder tes cartouches? Ou est-ce que tu es plutôt, ouais, j'aime bien le matériel, j'aime bien avoir un truc qui fonctionne de A à Z à 100% parce que c'est relié en direct sans latence. Il joue à la campagne, hein. Alors moi je dirais ouais, je suis assez attaché à mes machines en fait. Et par contre je peux changer d'avis parce que quand je vois ce qui se passe au niveau des jeux, j'étais assez attaché au côté physique des jeux, cartouches, disques et tout ça. Mais avec le temps en fait, je me dis je m'y attache de moins en moins. Alors ce sera peut-être le cas pour les machines aussi, tu vois. Non, mais après, ça peut être un aspect purement technique. Hein. Enfin, moi, je sais que personnellement, aujourd'hui, j'aime bien regarder tout ce qui est film et tout quand c'est au top. Enfin, je veux dire, quand la qualité, elle est superbe, que t'as du grain dans l'image et tout, etc. Et je supporte pas tout ce qui est artefact de compression, surtout au niveau des noirs, quand t'as des éclairages, etc. Ça me perturbe beaucoup. Et donc, tout ce qui est Netflix, Amazon et compagnie... c'est beau, enfin si tu veux c'est propre, mais je retrouve pas ce que j'avais quand j'avais un Blu-ray en 1080p sur ma télé, quoi, tu vois. Ça reste une contrainte technique en fait, justement, voilà, qui pourrait être affranchie avec les débits qui vont augmenter. Et ben justement, c'est la question que je me pose en fait, c'est la question que je me pose à toujours vouloir aller plus haut, si tu veux, en termes de ressources et de besoins pour afficher du visuel ou tout le reste, et les limitations qu'on a déjà actuellement avec, avec les débits, alors que ce soit techniquement, parce que la fibre n'est pas déployée partout, mais même pour des gens qui ont la fibre à 900 gigaoctets seconde ou 500 gigaoctets seconde et qui n'arrivent pas à profiter pleinement des performances du cloud gaming. Donc je suis assez perturbé là-dessus. Pour moi, j'espère qu'il y aura une génération de consoles supplémentaires pour laisser le temps à ça de mûrir, quoi. Parce que je pense qu'on n'y gagnerait pas forcément en fait en expérience. C'est pas toi qui étais le rabat-joie de la bande. Non, c'est pas moi, c'est Sei. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est sûr que c'est le problème, c'est qu'on compare Stadia avec ce qu'on sait aujourd'hui de Stadia et qu'on par rapport à ce qu'on va avoir sur les next-gen, parce que Stadia est quand même sorti avant qu'on connaisse les spécifications de la série X et de la PS5. Pour l'instant, il y a deux marchés différents. En fait, il y a vraiment le marché des joueurs qui ont déjà une console, qui vont prendre une console, et il y a les marchés des gens qui n'ont pas de console mais qui ont un téléphone ou un iPad ou une tablette plutôt, pas dire iPad, tout simplement un téléviseur qui n'aurait pas pris de console et qui vont peut-être se prendre un abonnement de cloud gaming parce qu'ils ont un débit suffisant. Donc il y a un énorme pourcentage de joueurs potentiels qui ne sont pas encore pris dans l'équation et qui vont arriver. Et les joueurs, par contre, qui ont l'habitude d'avoir un gros PC et tout ça, ils vont pas forcément aller sur du cloud gaming parce qu'ils vont se dire j'ai pas envie de perdre quelque chose. Et la question en ce moment, c'est ça, c'est perdre quelque chose, parce qu'on sait très bien que déjà c'est difficile de rendre un Assassin's Creed ça m'étonne que tu le fasses pas, ça. de rendre ça en 30 FPS en 4K. Alors en streaming, de balancer du 60 FPS, du 60 FPS 4K en streaming sans avoir le moindre petit souci au milieu, on a vu des youtubeurs qui essayaient Stadia, qui avaient des débits de malade, hein, parce que je pense à BB300 qui tourne il est à 980 gigas au seconde. Et même là, sur Stadia, il avait des latences. Donc, c'est quelque chose qui va s'installer doucement, qui va... C'est pas une histoire de débit, c'est aussi une histoire technologique qui n'est pas forcément encore... C'était même pas des latences. Non, c'était même pas des latences, c'était des déconnexions. Il est carrément des déconnexions. Il avait des écrans noirs en plein milieu. Donc, moi, j'ai même pas pu accéder à Stadia, tu vois. Je disais, j'ai même pas pu jouer à tester Stadia, tu vois, avec ma connexion limite. Donc je suis allé m'inscrire pour avoir les deux mois gratuits, hein. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas encore lancé à Taïwan. Et donc il a fallu que je me connecte par VPN sur un serveur français. Et depuis serveur français, je me connectais à Stadia. J'ai jamais pu y accéder. Jamais pu voir un écran de jeu de Stadia. J'étais dégoûté. Tu m'étonnes. Ouais, tu vois, encore une fois, c'est là où tu vois que ça n'est pas prêt pour. Non, c'est pas encore mûr. Pour être mis à l'échelle mondiale, enfin, et surtout universelle, quoi. C'est pas prêt. On peut pas encore se passer de. On va rester. On va rester vraiment avec un PlayStation Now et un xCloud ou un Game Pass où tu vas télécharger tes jeux. Tu pourras certainement tester des démos de jeux avant de les acheter en streaming, d'avoir juste un mini niveau. Juste pour en 1080p pour le tester, tiens, il est pas mal, je l'achète. Ça, il y en a beaucoup, il y a pas mal de rumeurs qui disent que le prochain PlayStation Store sera dans ce type-là. Mais il va falloir du temps. Et puis, et les gens, ils sont pas bêtes. Hein. Même sur Paris, hein, ils ont pas des débits de fou. Hein. Des fois, en campagne, tu as des meilleurs débits que sur Paris. Donc, mais en France, c'est quoi ? On est à 9 mégas. T'as plus de gens qui se connectent à Paris au mètre carré, on va dire. Enfin, pas au mètre carré, mais au décamètre carré. Mais après, ils sont en train de tester des nouvelles technos aussi pour le déploiement d'Internet. Parce que tu vois, on en parlait l'autre jour, moi chez moi, ils sont en train de mettre la fibre. Moi, je suis à la campagne profonde, j'habite au milieu des vignes. Et ils sont en train de... Parce que la fibre, en général, c'est sous terre, on est d'accord ? Oui. Là, en fait, j'ai un mec de France Télécom qui est venu pour voir si la distance entre les poteaux téléphoniques existants était pas trop grande pour supporter de la fibre aérienne. D'accord. Donc, d'accord. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi trouvé... Ça reste de la gaine après, hein, donc pourquoi pas. Hein. Ouais, ben, c'est ça. Mais est-ce qu'ils ne trouvent pas justement un moyen moins cher pour permettre l'accès aussi à tout le monde à la fibre optique? Parce que bon, ben, avec le numérique, et d'autant plus après le confinement où... pense que ben, le numérique il va encore un peu se développer. Et puis là, ça cause 5G, mais derrière, ça va causer l'IFI. Il y a Ubisoft qui sont bien là-dessus sur l'IFI, et puis à mon avis c'est très prometteur, hein, parce que pour arriver à mettre du très haut débit dans les avions, donc là le l'IFI c'est tu passes par la lumière, tu passes plus par un câble, donc c'est vraiment c'est un peu le même principe que la fibre optique. C'est une LED qui va clignoter et qui va t'envoyer des 0 et des 1 avec un capteur qui va réceptionner la lumière et par contre là les débits c'est pas les mêmes encore. Si c'est un câble optique. Ça clignote tellement vite que l'œil nul ne voit pas le clignotement comme un néon. Et en fait, c'est un capteur qui chope les infos comme ça. C'est beau, j'avais juste une petite question pour toi, Gia. Oui. Réalité virtuelle, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu joues un petit peu en VR? Est-ce que tu es équipé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te passe complètement au-dessus de la tête et qui t'intéresse pas? Alors, j'aime bien la VR. Par contre, je suis pas encore équipé. Parce que pour plusieurs raisons, parce que alors mon PC il est clairement pas assez puissant pour ça. Je vais pas lui imposer ce genre de truc. Et j'ai essayé donc plusieurs casques différents, donc le HTC, le PSVR, Oculus aussi. Et j'ai aimé, mais je me voyais pas passer des heures en fait avec un casque sur la tête. Et parce que en fait j'ai au niveau vision je suis assez sensible et je me voyais déjà avec des gros mal de crâne avec ça quoi. Mais j'aime bien le principe, je suis beaucoup tout ce qui se passe. J'ai aussi travaillé avec des startups françaises quand ils sont venus à Taïwan en fait sur qui étaient autour du VR, donc c'est des solutions haptiques dans plusieurs domaines de l'haptique sur le retour de sensations quand on a un casque sur la tête. Et par rapport à ça, j'ai pu notamment aller visiter HTC dans leur quartier général et pouvoir... D'accord. Et j'ai pu tester en fait plusieurs trucs sur lesquels ils étaient en train de travailler. Et j'ai trouvé ça génial. Par contre... Et pas encore sur des infos génération. Ou pas? Non, ils m'ont montré des trucs, c'était des démos pour pouvoir voir un petit peu, quoi, mais rien de confidentiel. Mais c'était intéressant de voir, en fait, ce milieu, d'avoir trempé un doigt de pied, tu vois, dans ce milieu-là. Mmh. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Mais par contre, à titre personnel, je me dis que la VR, c'est pas encore cette génération-là. Par contre, le PSVR 2, ça m'intéresse. Parce que là, je pense que il y aura la puissance de la machine, avec en plus toute l'expérience qu'ils ont pu acquérir avec le PSVR actuel et tout ce qui concerne les détections de mouvement. Tu vois. De mouvement. Tout ces confort aussi. Ouais, quand je vois tous les petits brevets qui passent comme ça de temps en temps dans les médias, je dis ok, ça sent très bon. Je sais pas quel est votre avis, qui est spécialisé en VR. On a déjà dit forcément dans l'émission, mais on est extrêmement on est extrêmement optimiste sur la VR, forcément, parce que nous c'est quelque chose qui nous passionne, hein. C'est pour ça que le site a été fait, c'est pour ça que l'émission, le podcast a été fait également. Mais on est conscient quand même des balbutiements en fait de cette première génération de casque qui est pas très confortable, qui est quand même pas mal contraignant, qui a tâtonné aussi pendant pas mal de temps, notamment au niveau de la nausée, au niveau des problèmes visuels comme tu as pu en parler, ou avoir des mal de crâne, etc. Je pense que c'est la génération, en tout cas la génération PS4 et les premiers casques qui sont sortis, les premiers Oculus et HTC, c'est un petit peu la génération qui essuie les plâtres pour le futur, mais on reste quand même extrêmement optimiste pour la suite. Et surtout, je parle pour tout le monde, hein, mais je pense que vous pensez à peu près la même chose, les gars. Pas du tout. Pas du tout, mais toi tu m'emmerdes, toi. C'est que en fait, l'avenir, en fait, ça sera forcément il y aura toujours une petite partie du marché pour la réalité virtuelle, parce qu'une fois qu'on a essayé, une fois qu'on s'est habitué, une fois qu'on a pris du plaisir à jouer de cette manière-là, c'est un petit peu compliqué de revenir en arrière, en fait. Les jeux en plat, les jeux avec une manette dans les mains, c'est un peu plat, quoi. C'est un petit peu fade. C'est, plat, ouais. C'est un petit peu fadasse. Quand t'as joué à Half-Life Alyx ou quand t'as joué à des très bons jeux comme Moss ou Astrobot, et ben quand tu réessayes après un jeu de plateforme en 2D, et ben tu te dis ouais, c'est pas mal, mais ça pourrait être encore mieux en VR. Donc ouais, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Bah, est-ce que tu penses que t'as le même ressenti après avoir joué à Potry VR? Potry VR, c'est... C'est il t'a marqué celui-là, hein. Il t'a vraiment marqué. Mais moi, je vais te donner mon avis. Alors, j'ai eu cette période, effectivement, où je jurais que par la VR, mais en fait, alors, je ne joue que sur PSVR. Moi, je n'ai pas de casque PCVR, parce que ça coûte bien assez cher comme ça. J'en ai un, ça suffit. Et je fais confiance à PlayStation. Mais en ce moment, on sent qu'on est entre deux eaux, quoi. Et, ah oui. On a un peu une grosse période de vide, faut le dire, avec beaucoup d'adaptations foireuses d'anciens jeux mobiles qui étaient sortis sur Google Daydream là, ou des trucs comme ça, qui sont pas vraiment des casques VR, mais plutôt des lunettes 3D un peu améliorées, enfin pour moi. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis un peu remis à jouer en plat, du coup. Donc j'ai repris plaisir à jouer en plat, tu vois, et le fait d'avoir ce genre de jeu un peu pourri, quoi, enfin, on va pas se mentir, ça a l'effet inverse, quoi. Donc du coup, on est, comme tu dis, on est un peu en train d'essuyer les plâtres de cette première génération. Et j'espère que Sony nous réserve des gros trucs. Et enfin, de toute façon, vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je sens qu'ils vont nous éclater la tête avec Gran Turismo pour la présentation, pour la partie VR. Et j'espère vraiment que cette absence, en gros, de PlayStation à ce niveau-là, c'est pour mieux préparer la suite et redonner un petit peu une deuxième jeunesse au casque actuel, puisque vraisemblablement le PSVR 2 sera pas là avant un petit moment. Donc je pense qu'il va falloir qu'il vive encore, que notre bon vieux PSVR première génération vive encore un petit peu de temps. Et mais là, ouais, je suis dans une phase où j'attends quand même des trucs qui vont un peu plus me sortir de mon canapé et me forcer à enfiler mon casque, quoi. Ouais. Donc j'attends beaucoup Iron Man, d'ailleurs. D'accord. Et toi, Laurent ? Moi, c'est clair et net, quoi. Ça a tellement été... disons que moi, je suis de 1975, donc je commence à être un vieux papy, on va dire. Et t'as connu Pong, t'as connu les Amstrad, t'as connu les premières consoles, t'as connu... t'as eu toutes les Nintendo, toutes les PlayStation. Et puis, tu grandis entre 20 ans et 30 ans et tu te dis, c'est bien, ça reste du jeu plat. T'as des mécaniques qui s'installent, que tu retrouves, même si les jeux sont plus jolis. Et puis avec les années, tu commences à te lasser un peu, on va dire. Et sauf que la VR, je me suis pris une claque parce que j'ai dit, ça y est, cette fois, c'est un vrai virage dans le jeu vidéo. C'est autre chose. C'est vraiment une autre vision du jeu vidéo. Et ça a tellement été une baffe violente que du coup, du jour au lendemain, je me suis dit, allez hop, on va faire un blog là-dessus. Donc moi, c'est clair. Et puis moi, j'en suis à un point qui est encore plus grave, c'est que tu me mets aujourd'hui sur un jeu plat, je n'ai plus aucun intérêt à jouer à un jeu plat, quoi. Alors c'est vrai que les jeux, pour l'instant, il y a beaucoup d'expériences vraiment pas terribles. Par contre, tu me mets sur Walking Dead, où on parlait Resident Evil 7, tu rejoues à Resident Evil 7 en plat, alors que tu y as joué en VR, ça va te faire tout drôle. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Même les jeux de bagnole, l'intensité les jeux de bagnole, que en plat, tu vis dans le truc, les flips que tu te prends, le cœur qui bat, les montées d'adrénaline, tout, tu te dis... Tu l'as fait, toi, Gia, Resident Evil 7? Non. Après ce que tu dis, là, non, jamais de la vie, je mettrai un casque VR avec Resident Evil. Ça, c'est sûr. Ah, mais ça, c'est vrai que pour les jeux d'horreur, par contre, la VR, il n'y a pas photo. Ah, mais c'est ce que j'aime, en fait. Ça n'a rien à voir. J'ai essayé un truc, même pas un vrai casque, quoi. J'étais allé... c'était où, déjà? C'était au Taipei Game Show. J'étais allé dans le hall des développeurs indépendants. Et puis j'en vois un qui m'a pas dit, ah, viens essayer mon jeu, il est en VR et tout. Ok, d'accord. Je savais pas ce que c'était comme jeu. C'était un jeu d'horreur sur un smartphone, tu sais, c'est sur des espèces de cardbox. Hein. Je vois le truc, oh purée, je peux pas. Faut que je reste poli et tout. Faut que tu restes digne, en fait. Je suis filmé, souris. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il y a en jeu d'horreur, il y a de très très grosses expériences. Ah, puis même Astrobot ou Moss, c'est une tuerie pour moi. Enfin, me retrouver avec des petits jouets devant moi. Mais ça fait partie, ça fait partie des exceptions et ça fait partie des exceptions et des pépites comme Blood and Truth, comme No Man's Sky, contre, comme voilà. C'est vrai que sur 500 jeux, on va dire qu'il y a une cinquantaine de très bons titres. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences. Mais tu vois, par exemple, il y a un jeu, c'est quoi ? C'était Lucky's Tale, je crois, qui vient de sortir sur Xbox et PS4. C'est un bon petit jeu de plateforme. Mais une fois que tu l'as essayé sur PC en VR, Lucky's Tale en VR, ça a plus de goût quoi après derrière ce genre de jeu plat, c'est dommage. Quoi. Hellblade, pareil. Hellblade, une fois que tu l'as testé en VR, t'as pas envie d'y jouer en plat. Mais c'est pour ça quand je vois la démo qu'on a vue, ça en VR, même à la troisième personne, je suis comme un dingue. Tu vois, par exemple, au Xbox Inside, ils ont montré Vampire la Mascarade. Putain, mais moi, je le veux en VR, celui-là. Je le veux en VR. Je veux pas y jouer en plat. Je veux y jouer en VR. Déjà, je pense que le premier, il doit y avoir des modes pour le faire parce que c'était le premier jeu qui était sorti sur le moteur Source. Il doit y avoir un moyen. C'est un jeu que j'adore. Le 2, je le veux en VR. En plat, je trouverais ça vraiment dommage, quoi. Non, mais un truc qui serait peut-être possible sur la prochaine génération, c'est que... les portages puissent se faire beaucoup plus facilement en VR et donc on puisse avoir logiciel serait bien. Ouais. Ça serait bien. On puisse avoir plein de jeux des gros jeux, des triple A qui soient portés en VR assez rapidement et qu'on puisse avoir le point de vue des héros des personnages comme ça en vrai first person play game. Et même pas forcément, parce que les jeux en TPS, à troisième personne, ça fonctionne aussi très très bien. Hein. Hellblade, en TPS, il marche du feu de Dieu, en VR. D'accord. Donc, c'est vraiment caméra à l'épaule, en plus, t'es à la résidente, comme les nouveaux résidents, et ça marche très très bien. Ouais, c'est-à-dire que nous, on n'est pas partisans du VR égale première personne. C'est pas notre cheval de bataille, justement, depuis Moss, depuis des Astrobots, où tu t'aperçois que des jeux à la troisième personne, ça fonctionne aussi très bien. Les jeux qui plaisent le plus, c'est des jeux à la troisième personne. C'est ça qui est dingue. Alors que beaucoup de... Beat Saber, c'est pas la troisième personne. Non, mais tu prends par exemple les trois premiers jeux qui étaient classés dans le top 50 de l'année passée, c'était Astrobot, Moss, Resident Evil. Astrobot Moss, c'est de la troisième personne à la manette, dans un environnement VR, et Resident Evil, c'est à la manette également. Donc il n'y avait pas d'interaction avec des manettes, des machins, où tu dois faire du piano avec tes doigts. C'est bien tout ça, mais tu t'aperçois qu'on n'en est pas encore là. Déjà, s'ils commencent déjà à rendre des jeux compatibles, ils sortent le jeu en plat pour le rentabiliser, et ils font une version VR juste pour les... là déjà, il y aura des plus grosses licences, et puis ça plaira beaucoup plus à tout le monde, et il y en aura pour tous les goûts. Et donner le choix aux joueurs. Voilà. Donner le choix aux joueurs. Ouais, c'est bien ça. C'est plus important. C'est bien ça. Donc en fait, tu mets ton casque, mais tu joues normalement avec ta manette en main, avec les boutons dessous. Sauf que t'es dedans. Bah oui, non. Et donc tu tournes ça, la VR assis, c'est cool aussi. Hein. Ah oui. Ouais. Tu disais que tu fallait te faire lever de ton canapé. Oui, j'y ai, tu disais. Je disais, il fallait que te faire lever de ton canapé. C'est pas avec des jeux comme ça que tu vas te lever. Non, effectivement. On assume d'être des gros, t'inquiète. Hein. Non, mais comme je disais, c'est vraiment pour te forcer à remettre le casque sur la tête. Enfin, quand je vois que ce jeu me sort par les yeux, donc je vais le reciter encore. Mais enfin, moi, la promo PlayStation VR, Poterie VR, je la trouve mais juste scandaleuse. Non, mais tu peux pas. Tu fais une fixette. Mais oui, parce que tu peux pas mettre en avant des jeux comme ça. Alors en plus, ils ont ressorti, ça me fait plaisir, par contre, ils ont ressorti une campagne de pub là, sur le PlayStation VR où ils nous ont mis Stardust Odyssey, Beat Saber, enfin. C'est bien, Les derniers jeux qui sont sortis, Doctor Who et Sense and Sinners. Ça, oui, ça c'est de la campagne de promo. Ça, c'est un truc qui peut te faire vendre du casque parce que c'est des jeux qui te donnent envie d'être joué. Mais Pot River, non, je suis désolé, tu peux pas mettre en avant un jeu comme ça. Mais c'est vraiment une nouvelle façon de penser le gameplay et de penser vraiment le jeu vidéo dans son ensemble. Tu prends Cyril, c'est un sportif, c'est le gars, c'est le sportif. Lui, tu vas lui mettre du Beat Saber, il faut qu'il soit debout, il faut qu'il ait les manettes, il faut qu'il fasse son sport en jouant en VR. Après, j'adore Beat Saber. Il y en a d'autres, et puis même nous, toi, il y a des moments où tu vas dire putain, tiens, j'avais envie de jouer à un truc qui bouge. Après, j'ai envie de jouer à un jeu qui fait 120 heures. Bah, je suis assis et puis je vais faire des petites. Ouais, mais c'est ça. De... Mais ouais, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai envie de jouer. C'est, en fait, c'est ça qui me manque. C'est un jeu qui va me donner l'envie de jouer. C'est vrai, ça, par contre. C'est ça, en fait. C'est vrai que le gros problème de cette génération, ça a été beaucoup d'expérience et peu de gros titres, finalement. Et beaucoup de choses pas très bonnes. Ah bah, quand tu vois que sur Steam, tu as. Moyenne ou pas tu très peux bonne. Incarner Donald Trump en plein discours en VR. C'est complètement dingue. Tu vois les mains ? Est-ce que tu vois les mains de Donald Trump ? Magnifique. Mais c'est formidable, ça. Mais pourquoi on n'a pas ça sur PlayStation VR ? C'est toi qui le teste. Hein. Ah bah si tu veux. Oh là là. Non, mais c'est ça aussi qui est rigolo, c'est que tu peux faire un peu n'importe quoi. Mais oui, mais ça, tu vois encore, c'est une connerie. Enfin, c'est pas un jeu, c'est une expérience. Mais à la limite, ça a un but, comment dire, un minimum humoristique. Enfin, je pense pas que ça soit pris au sérieux, ce genre de jeu. Non, mais, j'espère pas. Mais j'en reviens à Pat River encore, j'insiste, hein, mais lui, il est pris au sérieux, quoi. Il est pris au sérieux. Enfin, je merde, quoi. Merde. Tu vas te rendre compte que c'est un putain de bon jeu, en fait. Et tu vas être aux anges et tu vas dire écoute, ah, mais qu'est-ce que j'étais bête à l'époque. Et puis toi, tout est enregistré, on va rien effacer. Mais franchement, tu peux. Moi, je suis quelqu'un de relativement honnête. Enfin, si je prends la claque avec ce jeu, je le dirai. Mais ça m'étonnerait. Je pense que. Bah, si t'es fan de poterie à la base et que t'es confiné, bah, t'es content d'avoir. Mais c'est ce qu'on disait avec Cyril la dernière fois. Si t'aimes la poterie, bah, tu prends des cours de poterie, t'achètes. Mais non, t'es confiné. Mon tour de potier pour chez toi. Je dis en plus avec le tracking, ça va être à chier. Et le tracking du PSVR, on parle pas de Nanite et de Lumen, non, on s'en fout de ça. Oui, si, c'est vrai, on peut. Mais d'ailleurs, moi je voulais en parler. On a eu le débat avec Sei, il était pas du tout d'accord avec moi. Moi j'ai beaucoup d'espoir. Alors je vais revenir sur Epic et l'Unreal Engine 5 et le système économique d'Epic. J'ai envie de dire merci. Parce que aujourd'hui, un des plus gros problèmes de la VR, on le sait, c'est aussi les ventes. C'est-à-dire que faire un jeu, ça coûte de l'argent et faut quand même avoir des recettes derrière pour pouvoir être rentable et avoir une activité pérenne et continuer son travail. Mmh. Et ce que Epic est en train de faire, c'est quand même bien pour les développeurs indépendants. Mmh. Dans le sens où le moteur est mis à disposition gratuitement. Leur boutique d'assets est elle aussi mise ou moins est mise à dispo plus ou moins gratuitement dans le sens où ils vont avoir certains morceaux qui vont être gratuits à une certaine période qui seront téléchargeables un peu comme un jeu que tu télécharges quand il est offert, donc ils vont pouvoir se faire une base de données avec ça et surtout ils ne versent pas de royalties pour le moteur à partir du premier million de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme je trouve pour un développeur indépendant. Et donc je trouve ça très très bien. Si tu combines ça avec l'Epic Game Store où tu reverses que 12% de com à Epic, j'ai envie de te dire qu'ils ont un modèle économique pérenne. Hein. À savoir, il me semble que sur les anciens moteurs Unreal, c'était également le cas, oui. Sauf qu'ils ont revu un petit peu tous les potards à la baisse. Alors les paliers, je crois que sur l'Unreal Engine 4, si je dis pas de conneries, les paliers c'était tous les 3 000 ou 30 000 dollars de chiffre d'affaires, enfin un truc dans le genre, ouais. Donc, il y a quand même un sacré écart, quoi. Et puis encore une fois, enfin ils te disent que bon après. C'est comme les vendeurs de consoles qui disent que les leurs c'est les meilleurs. Le mec il vend un moteur graphique, il va te dire aussi que le sien c'est le meilleur. Mais d'après ce qu'ils disent, il va être encore plus simple en développement parce qu'il est beaucoup plus assisté en intelligence artificielle. Alors, si là tu introduis une question que je voulais poser à Gia. Ah ben voilà. C'est justement concernant Nanite, donc qui va permettre. Alors les développeurs aujourd'hui doivent à chaque fois développer plusieurs niveaux de modélisation. C'est plutôt les modeleurs qui doivent faire plusieurs niveaux de modélisation. Donc on a des modélisations plus ou moins précises en fonction du zoom sur l'image pour que ce soit moins lourd. Et donc maintenant Nanite, ça va être automatique. Donc on va pouvoir modeler quelque chose complètement dans ZBrush. ZBrush c'est une des applications de modélisation les plus utilisées dans le monde du cinéma, mais également dans le jeu vidéo, qui a complètement révolutionné d'ailleurs la modélisation 3D parce que c'est plus de la sculpture que vraiment de la modélisation polygonale et qui peut partir sur des détails de dingue. Et donc maintenant, on va prendre un modèle qui sera sûr. Vous avez certainement vu ça sur les vidéos, notamment sur les vidéos de JIA. Vous prenez votre modèle de dingue, vous le balancez dans Unreal, et du coup, c'est lui qui va automatiquement générer les différentes versions de modélisation en le simplifiant automatiquement, de façon à ce que quand il sera plus loin, il sera beaucoup plus, il y aura beaucoup moins de polygones. Et donc ma question, c'est, ça simplifie le travail des développeurs, parce que du coup, ils n'auront plus à faire ça, mais on sait aussi qu'en même temps, on parle de crush au niveau de pas mal de studios qui sont à fond, qui travaillent comme des dingues pour arriver à boucler des jeux, et Phil Spencer de son côté qui annonce des AAA tous les 3 ans, quand on sait que des jeux comme Horizon où, ont mis 7 ans, 6 ans à être réalisés. Donc est-ce que... Alors il y en a qui disent d'un côté que le fait de simplifier les moteurs comme ça, ça va permettre de sortir des jeux beaucoup plus facilement, mais est-ce que ça ne va pas aussi augmenter la cadence au niveau des développeurs et que du coup ils vont avoir une charge de travail à gérer 2 jeux en même temps parce qu'au niveau du moteur, ce sera plus simple. C'est une question ouverte sur ce sujet. Ouais, c'est l'apport d'une nouvelle technologie. Après, c'est théoriquement, ça peut alléger le travail. Alors même si entre temps, on m'a dit que tout le travail n'était pas forcément fait à la main, qu'il y avait déjà des process d'automatisation. Heureusement, j'espère. Ce qui est plutôt content de ce côté-là. Mais donc, Nanite va en fait pousser plus loin ce côté-là, c'est-à-dire le fait de resizer retailler automatiquement ces assets. Et ce que je dirais aussi, c'est que à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de consoles qui ne peuvent pas accepter le modèle ZBrush tout de suite. Ouais. Et donc à mon avis, il y aura toujours ce côté où il va falloir retravailler sur les modèles encore pendant quelques années. Et il y a aussi le problème de taille, c'est-à-dire que les sculptures sur ZBrush sont très belles, très détaillées, mais par contre, ça occupe une place pas possible. Une blinde. donc, à un moment donné, il va falloir au moins réduire d'un petit peu la taille pour que les jeux n'occupent pas non plus une place phénoménale. Et je pense qu'ils vont trouver en tout cas un bon compromis. Et même s'ils ont à faire ça, ce sera de toute façon beaucoup moins de travail que ce qu'ils avaient à faire avant, où ils devaient le faire pour des problèmes de place dans la RAM. Donc si déjà il y a ce souci-là de moins à faire, c'est théoriquement moins de crunch. Après, tu dirais moins de crunch ou plus de jeux, tu dirais moins de crunch. Moi, je dirais. Alors, j'ai parlé à un autre développeur qui m'a dit que s'il n'y a plus ce travail-là, en fait, ce sera plus difficile de cacher la misère, on va dire. C'est-à-dire qu'il va. De ce qu'on m'a dit, hein, donc je connais pas assez bien l'organisation des équipes de développement, mais à l'heure actuelle, il y a donc beaucoup de gens qui travaillent, il y a des petites mains en fait qui font le truc. Oui. Pas des petits, enfin, pas, c'est pas ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Des gens qui sont plus dans le détail en fait. Voilà, il y a des gens détaillés plutôt que dans le global. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font du travail comme ça. Des studios secondaires qui sont pas forcément mieux bien payés, mais ouais, qui vont gérer ça quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup, faire un jeu, c'est beaucoup de travail. Et en même temps, s'il y a beaucoup moins de ce genre de travail, il y aura moins besoin de gens qui sont spécialisés dans ça. C'est logique. Donc il va y avoir en fait une partie des gens qui travaillaient dans les studios de développement où il va falloir les réassigner à d'autres tâches. Et dans ce cadre-là, en fait, ceux qui pourront occuper des postes plus intéressants, ce seront ceux qui auront une vision ou quelque chose de plus dans la création. Mmh. Et c'est les mêmes trucs qu'on vit dans le cinéma, par exemple, avec l'avènement des effets spéciaux et tout un tas de choses, où finalement, on a moins besoin d'avoir des petites choses, et puis Tout ce qui est décorateur et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, avant, avec les équipes d'accessoristes, tous les gens qui s'occupaient de faire en sorte que l'image puisse se faire, et ben tous ces petits jobs là, c'est pas des petits jobs, c'est pas ce que je veux dire. Tous ces travaux qui demandaient beaucoup de personnes finalement avec les effets spéciaux. C'est un peu comme l'animation classique et l'image de synthèse aujourd'hui avec le motion capture. Ouais, et donc dans le sens où je pense que le crunch, ça a été très très loin cette histoire. Pour que les médias traditionnels en parlent, c'est trop, ça commence à trop se voir. Mmh. Et c'est éthiquement pas plus possible de pouvoir accepter ça. Les studios qui vont continuer sur la base du crunch alors que des outils leur permettent de travailler plus efficacement, je pense que ça va être très très mal pris. Et ça va savoir très rapidement, de toute façon, dans les communautés de joueurs. Surtout avec les réseaux sociaux. Ouais. Et je pense que les studios de développement, le monde du jeu vidéo, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de décennies que les jeux vidéo existent. Donc le milieu arrive à une certaine maturité. Et dans cette maturité, il y a aussi la prise en compte de l'humain, des conditions de travail, de ce genre de choses. Donc alors moi, je suis peut-être trop optimiste, mais moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que je vois... Ça fait pas de mal. Je vois mal les studios qui vont cravacher encore leur staff pour qu'ils produisent deux triple A tout le temps sur des délais complètement fous, quoi. Ça va plus être possible. Bah, tant que les joueurs en même temps jouent le jeu et ne sont pas trop impatients. Ouais. Mais voilà, parce que j'allais te dire, enfin pour moi il est un peu là le problème. Alors pour rappel, j'ai une trentaine d'années, donc je suis assez jeune. Et je me rappelle d'une période. Donc c'était sur ma PlayStation 1 certainement, ou la 2. En fait, tout ce qui était sorti de jeu était quand même très espacé et on n'en avait pas autant qu'on en a aujourd'hui. Et en fait, t'as l'impression que plus t'en fais, plus il faut en faire. Et ça, moi, c'est quelque chose de... En fait, on consomme ça comme tu lirais un bouquin, quoi. Et je trouve ça dramatique parce que on se souvient pas toujours de ce qui est fait et surtout de comment ça a été fait. Et je vais revenir, je sais pas si, enfin, je crois que je vous en ai parlé en off, mais je crois pas en avoir parlé en podcast. J'ai regardé le making of de God of War. Oui, excellent. Je l'ai trouvé formidable. C'est un concentré de encore une fois d'émotions, ce truc où tu vois Santa Monica qui passe par toutes les phases, que ce soit la joie, la tristesse, l'angoisse. La fermeture du studio. Voilà. Et c'est vraiment très très très très bien fait. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait de comment tu consommes le jeu, en fait. Quand tu vois l'énergie qui est dépensée à la conception, des fois, ça me fait mal de me dire bon ben le jeu il est noté, il vaut ça, si tu veux. Alors qu'en fait, ils ont tellement investi de temps et de leur vie au final, parce que enfin, faut savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Tu vois, compte. Pour ne citer que lui, tu vois, Cory Barlog, il a quand même sa famille avec lui dans les studios de dev et tout ça, si tu veux. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et il me semble que c'est pas le seul. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a comment on appelle ça, une certaine ingratitude de la part des, enfin, une grosse ingratitude même de la part des joueurs qui consomment ça en fait comme tu boirais un verre d'eau ou tu mangerais ton sneakers, quoi. De la part des joueurs et puis de la part aussi du marché, parce que si justement tous les abonnements, le streaming, enfin le jeu vidéo en streaming, etc., vient effectivement à se démocratiser, ça fait que tu auras une sélection de 150, 200 ou 1000 jeux pour un abonnement de 15 balles par mois. Le streaming, tu peux mettre d'anciens jeux dessus. Oui, tu peux en mettre des anciens, mais je veux dire. Oui, mais. Bon, c'est pas bien, mais on a tous piraté. On a tous piraté, par exemple, la Dreamcast ou la PlayStation ou je ne sais quoi. Toi, mais pas moi. Avoir une centaine de jeux dessus. Alors, moi, j'ai déjà piraté. Ce qui fait que tu as un paquet de jeux, justement, à disposition. Tu les essayes, tu y joues 20 minutes, une demi-heure max, et après tu les laisses tomber. C'est ça. Et c'est le problème un petit peu d'avoir trop de choix et trop jeux à ta disposition, c'est que finalement tu joues à rien, quoi. C'est inconsommable. C'est ça. Tu l'ouvres, tu le bouffes et tu le jettes. Alors moi, ce qui me fait peur là-dedans, des fois tu le finis pas. Ce qui me fait peur dans les Game Pass ou dans un forfait qu'il y aura certainement PlayStation Now aussi, où tu payes pour avoir 150 jeux, 200 jeux disponibles, c'est que les écoles de jeux vidéo, parce que maintenant il y en a a de plus en plus des écoles, vont enseigner de travailler beaucoup sur les trois premiers niveaux et de faire pas forcément, de pas aller à fond sur les derniers niveaux, parce que justement... Et on le voit sur certains jeux, ça. Et j'ai l'impression que certains professeurs commencent à en parler, parce que je connais des élèves dans les écoles, et qui me disent que déjà, c'est le cas dans les écoles, on commence déjà à leur dire, bossez bien vos trois premiers niveaux, parce que c'est ceux qui sont testés. Donc, c'est ce qui me fait peur dans ce côté abonnement, voilà. Oh, ça, ça fait longtemps, hein. Ouais, ah bah, J.A., justement, toi qui a bossé dans le milieu, t'en penses quoi de ça? C'était déjà le cas, il y a quelques années? C'est comme tu disais, c'est que les sorties aujourd'hui sont beaucoup moins espacées qu'avant. C'est moi je me souviens d'une époque où j'achetais un jeu et je le ponçais, mais alors bien c'est comme ça. Il faut quoi. Je connaissais et tu le refaisais tous plusieurs les fois, niveaux même. Par cœur, je pouvais le refaire les yeux fermés, enfin bon. J'allais au bout du jeu, quoi. Parce que moi, le prochain sortait 3 ou 4 mois après, quoi. Ouais, parce que tu sais que t'avais le temps et que, de toute façon, t'avais pas l'argent pour aller l'acheter. Et effectivement, aujourd'hui, avec tous ces formules à l'abonnement, même si ça concerne pas tous les jeux AAA, mais il y a quand même on pousse à la consommation. Je regardais justement des interviews sur ce sujet-là. Avec Amy Hennig, qui est la personne qui a écrit The Uncharted, qui a écrit tous les Uncharted, tu vois. C'est une personne super talentueuse, et suivie d'une interview de Ted Price, qui est le boss de Insomniac Games, qui a fait donc Spider-Man récemment. Il parlait justement du fait que ils savent, quand ils font les jeux, que la majorité des joueurs n'iront pas jusqu'à la fin, et ça pose un réel problème dans l'écriture de l'histoire. En tout cas sur les jeux où il y a une histoire où elle est importante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quel est leur point de vue sur ça, quoi. Donc d'un côté, il y a Ted Price qui dit mais nous, on fait notre histoire, on fait du mieux qu'on peut, et puis bah tant pis, on met le soin qu'il faut. Après, il y a des défauts, mais voilà. Et Amy Hennig, elle était un peu plus dans le questionnement. Et je pense que ça m'étonnerait pas, par exemple, que sur des prochains jeux sur lesquels elle pourrait travailler, de voir peut-être des jeux un peu plus courts mais plus intenses. Parce que ça avait l'air de la turlupiner, hein, cette histoire et c'est normal aussi parce que c'est quelqu'un qui écrit des histoires à la base. Et donc tu commences un truc, c'est comme si tu regardais un film et tu t'arrêtes la première demi-heure, tu regardes pas le reste. C'est dommage quand même. Justement, c'est un petit peu ce que tu retrouves, cette philosophie dans les jeux épisodiques. Et je crois que Amy Hennig aussi avait travaillé sur la saga Legacy of Kain, qui est écrite sur 5 jeux, ou 4 ou 5 jeux, il me semble. Et pareil, il y avait déjà, je pense, dans sa façon de travailler, dans un petit coin de sa tête, justement, l'écriture épisodique, quoi, j'imagine. Et donc, je crois en tout cas. Ouais, je pense que c'est un vrai problème, quoi. Est-ce que ça, justement, ça peut aussi conduire à un temps de développement moins long, peut-être idéalement une baisse de prix des jeux, mais ça, j'y crois moyen. mais ça peut aussi apporter des chamboulements, et tout ça accompagné du fait que sur Unreal Engine, Unreal Engine 5, qu'il puisse aussi y avoir moins de temps consacré à des travaux qui prennent du temps. Est-ce que on n'est pas à une charnière dans l'histoire des jeux vidéo? Ça, je me pose réellement la question. La charnière, j'ai l'impression qu'on la vit depuis à peu près 20 ans, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'on croit un petit peu les mêmes choses depuis 20 ans. Ouais, mais il y a quand même un mode de conso qui a changé. Déjà, il est arrivé du smartphone et du jeu mobile. Ouais. Et qui, pour moi, a mis un coup au jeu traditionnel, au jeu vidéo traditionnel. Mais il y a quand même, comme tu dis, c'est quand même dramatique pour moi d'entendre dire de la part d'un dev ou d'un président de studio de développement, de toute façon, la majorité des gens finiront pas dans le jeu. Mais c'est triste. Ça, c'est en la fait. Réalité. Hein. Ben ouais, c'est mais la réalité. Hein. Mais c'est triste d'entendre ça. C'est très triste de. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se dire qu'il y a des mecs qui se donnent la peine de faire un truc chiadé, fini, et d'aller jusqu'au bout. Et le fait que les joueurs le finissent pas, pour moi, c'est. Bon, on le voit c'est déjà. Un manque de, quand c'est un manque de respect, quoi, VR. Si tu veux. Enfin, moi perso, quand je les teste, j'essaie toujours d'aller au bout. Enfin, je vais toujours. Moi au bout, également. C'est pour ça que je suis. C'est pour ça que je suis un des plus longs d'ailleurs. C'est vrai que tu vois qu'il y a certains niveaux qui sont. Tu t'en prends plein la figure au début, et puis quand tu vas au bout pour donner ta note, tu dis mince, heureusement que j'ai pas noté au bout du troisième niveau parce que. Tu regardes juste les trophées et tu vois le nombre de le pourcentage des gens qui sont arrivés jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. Toujours un trophée et c'est toujours quoi 10%. Ouais, c'est ça, c'est ça. Près. Bon. On a fait le tour du coup ? Je pense, ouais. On n'a pas parlé de l'humaine, mais on en a parlé dans les articles. J en a parlé dans les vidéos. Non, je pense qu'on a Allez, pas mal. Parfait. Eh ben, très bien, on a beaucoup digressé du coup pendant cette émission. En tout cas, c'était vraiment très très cool de pouvoir discuter avec toi, Gia. On te remercie encore d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup pour m'avoir invité, c'était bien agréable. Donc voilà, maintenant que tu as ton siège et que la place est chaude, tu reviens ici quand tu veux, avec très très grand plaisir. En tout cas. Avec plaisir. Et Sei, t'as oublié quelque chose ? De quoi ? Elle est où l'interview ? Autour d'un VR ? De quoi ? Le VR à moitié plein ou à moitié vide, elle est où ? Oh, je l'ai pas fait. Je fais ça que pour les développeurs de jeux vidéo. T'es développeuse, Gia, ou pas ? Non, malheureusement. Et voilà, donc tu vois, c'est bon, Majo. Oh, le salaud, comment il s'en sort ? C'est pas bien. Et t'as vu ça ? La pirouette, comme ça, tac, et sans les mains. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, et vous avez juste à taper autour d'un VR sur Google et vous allez trouver normalement sans problème. Gia, merci encore. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci les gars. C'était sympa. Oui, c'était très sympa même. Oui, c'était très bien. Puis, je vais aller essayer poterie VR. Si je suis poterie VR. Ça aura marqué. Premier prochain commentaire, je te signerai un petit poterie VR. Moi, je vais faire Donald Trump VR. Donald Trump VR. Eh ben, ça promet. Donc, en tout cas, on rediscute dans 2 semaines, toujours au tournoi VR. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait plein de bisous. Et à bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Non, c'est un peu coupé là en fait. On t'entend pas par contre. Ouais. Ça passe. Vous entendez ? Alors, je t'entends, mais entrecoupé. Donc, j'ai entendu, j'ai pas entendu la question en tant que telle. Non. Ah, c'est vrai que je t'entends entrecoupé aussi. Ouais, mais moi, c'est pareil. Ok. Alors, est-ce que c'est peut-être ma connexion est-ce que comme ça va mieux? Vas-y, essaye de parler. Là, comme ça. Est-ce que ça va mieux si je parle comme ça? Ouais, là, ça va bien, là. D'accord, okay. Ça marche bien. Super. Bon, on va continuer comme ça. Alors, on reprend. Ça recoupe un peu quand et même. Là, ça marche plus. C'est magique. Ah, la magie d'internet. La joie du confinement. Ah, non, mais j'ai une connexion pourrie et c'est le propriétaire qui. Enfin, bon, ça va. Enfin, bref, c'est pas moi qui choisis la fibre. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pris la fibre, mais je n'ai pas la possibilité d'avoir la fibre. Et ça me pose beaucoup de problèmes, non celui-ci. Ah, ça veut dire que t'as une connexion encore plus pourrie que moi. C'est possible. Bon, on va essayer d'enchaîner quand même. Comment je vais faire? Attends. Refais la présentation. Oh bah non, la présentation elle passe, hein, je pense. Oui, elle de toute façon, bien, après c'est sur... Après on se lance sur la démo et puis voilà. Hein. Et puis voilà.